Merci beaucoup. Hein. Merci d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission. Franchement, merci à tous. Super. Hein. Merci beaucoup. Nous, on va revenir dès lundi. Et oui, déjà. Sur Fun Radio à partir de 20h. Lâchez vos messages sur le Facebook là, pendant tout le week-end, le long week-end. Là. N'hésitez pas. Vous lâchez ça sur le Facebook Love in Fun. Sur c'est le pas un long week-end. Hein. Non, je sais, ouais. C'est un week-end normal. C'est comme à chaque fois. Hein, c'est... Bah, non, mais pas pour nous en fait. Ah nous, oui, pardon. Bah, oui, mais j'ai pris l'habitude de dire long week-end parce que c'est vrai qu'on a trois jambes nous, Mickaël. Voilà. Et puis dès qu'alors, si jamais il y a un lundi ou un jeudi de férié, alors, au viaduc. Ah non, c'est pas vrai, les jours fériés, on est là. On est là, les jours fériés. Jusqu'au jour où on verra. Ah, mais on verra. Bah, par contre, nous, on reste pas à New York. Alors non, c'est vrai. Le pauvre, il lui reproche toute sa vie. Mais c'est pas un reproche, car j'étais à New York, mais j'ai fait l'émission. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ouais. Alors que j'aurais pu te péter en mode vacances, mais non. Dis-moi, j'étais là. Elle s'appelle comment, celle qui t'a retenu? Il y en a eu plusieurs. Hein. C'est un bon des cœurs. Mais alors, tu m'expliques, il y avait Lilou qui était à New York et toi, t'étais à New York, quoi. Ouais, mais moi, je suis arrivé quand t'étais parti. Moi, je vais pas au même endroit en même temps qu'elle parce que. Elle est pauvre. Ouais. Et puis tu sais, je me méfie ce genre de fille. Suce ma bite. Ouais. Tu vois, je me méfie, voilà. Je préfère. Il s'est rien passé parce que tu sais, le doc est avec Lilou, là, il nous a posé pas mal de questions et tout. Il est un petit Non, mais t'inquiète pas, il peut avoir confiance en moi. Ok, bon, ah, ça oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Et puis je fais trop attention au physique. On attaque pas le physique, Mickaël. Oh, ça va. Ouais, chez Lilou, elle nous appartient un peu. Mais oui, tellement c'est vrai, on la partage. Oh, je l'ai connue, elle était toute petite. Ouais. Je peux. Bon, ben bon week-end à vous alors. Bisous. Eh ben, ça roule. Bisous, taf. Bisous, Polo. Bisous. C'est mignon. Bon, et nous, on démarre là jusqu'à 2h du matin. C'est parti. Salut, Love in Fun. Allez, ciao. Ciao, salut, Mickaël. Ciao, tout le monde. Mickaël, no limit, Linou, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh ben, soyez les bienvenus dans Mickaël, no limit, votre émission, l'émission où vous pouvez venir tout dire, tout simplement, un petit peu comme sur le banc de l'amitié créé par des élèves américains pour lutter contre la solitude. Oh. Eh bien, vous êtes les bienvenus ici, avec nous. Tu as vu un peu, hein. Oh oui, bon, c'est mignon. On ne vous laissera pas seul, évidemment, parce que maintenant, il se passe enfin quelque chose de soir à la radio. C'est de 23h à 2h du mat, sur Fun Radio depuis le mois de juillet. Vous êtes nombreux également à débarquer au fur et à mesure. On le voit sur le Facebook et le Twitter par exemple. N'hésitez pas à prévenir vos potes encore évidemment. Hein. Ça se passe aussi le dimanche de 20h à minuit. Comme Yannick qui est avec nous d'ailleurs, tiens, qui nous avait déjà appelé hier. Yannick, t'es bien là? Je suis là. Ouais. Très bien, la forme Yannick? Ça va, tranquille. Parce que hier Yannick s'est endormi, hein, faut le savoir. Hein, c'est... On l'a eu, on a fait Yannick, ça va? Et puis bon, pff, une nouvelle. Bravo. Fini. Incroyable. Trop d'émotions. Ah ben ça doit être ça. Bon Yannick, alors tu nous avais simplement dit avant de dormir hier que tu voulais nous parler de ta meuf. C'est plus compliqué que ça. Ah d'accord, okay, bah, c'est toujours aussi compliqué qu'hier quoi. Voilà, exactement. D'accord, bon écoute, très bien. Et donc l'histoire c'est que, alors en deux mots, juste pour donner l'eau à la bouche. Alors en deux mots, moi je suis DJ et j'ai rencontré une fille qui est beau danseuse dans la boîte où je travaille. Ça y est, tu les as excités pour la soirée. Ah bah oui, là c'est bon, là on a fait notre affaire. On va là, on est bon là. Bon ben bah, bah, alors n'en dis pas plus, on va rester sur cette image de gogo danseuse. On va te reprendre dans quelques minutes, d'accord? Pas de soucis. Bon allez, si comme Yannick vous voulez passer à l'antenne avec nous, évidemment n'hésitez pas, il faut simplement nous appeler 01 42 48 5000 ou alors le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous n'hésitez pas et vous tomberez sur la douce voix de Sandro. Ouais. Hey, salut, ça va? Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est le standard. Salut les routiers. Voilà. T'appelles pourquoi? Ouais. Et toi, va nous faire quelques appels pour essayer de trouver de nouveaux amis hein, aujourd'hui. J'ai une petite question qui devrait nous aider à trouver ce genre de réponse. Voilà. Et tu vas fermer ta grande gueule. Voilà, oui, il y avait ça aussi. Sale con. Voilà. Bon bref, tous ces gens-là, évidemment, qui sont là, toujours prêts, toujours accueillants, bien entendu. On toujours serviables. On les appeler d'autres tout à l'heure. J'ai une très très bonne idée pour les appels. Et si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof, n'hésitez pas, de gens encore debout à cette heure-ci, ou en tout cas jusqu'à 2h du mat, eh bien, vous envoyez simplement un mail à Tof, toph@funradio.fr. Si jamais il vous répond qu'il veut voir vos seins, etc., bien entendu, il ne faut pas répondre à ce genre de message. Vous ne faites qu'envoyer. Ferme-la. Vous ne faites qu'envoyer les numéros de téléphone, ouais. C'est tout. Voilà. Oh, je suis déçu. Bon, et puis Polo qui n'en revient toujours pas de la fin de l'émission d'hier soir. Mais Alors, pour ceux qui n'étaient pas pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, nous avions eu un auditeur de Charleroi qui Frédéric qui nous a appris que pour fister, il faut avoir été fisté. C'est génial. Il a un donjon et trois esclaves. Exactement. Donc, il fréquente les milieux SM. Voilà. Hey, vous donc, avez raté quelque chose hier. Ouais, donc pour ceux qui se disent après minuit, moi j'arrête d'écouter parce que il se passe plus rien. Eh bien sachez qu'il s'est passé quelque chose hier. Je peux vous le dire. Et dans les amis de Toff, j'aime bien l'enfant de putain, moi. Oui, c'est vrai. Ah, bah, j'aime bien. Je l'ai pas sous la main là, mais je le mettrai si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ça nous dit. Enfin, c'est un gars qui avait traité Toff dans son putain, très classe évidemment. On écoutera du son d'Ensflore aussi avec le son de New World Sound de Flute dans quelques minutes. Je vous calerai aussi le son de Yeah avec De Oro. Je sais pas pourquoi je fais l'accent espagnol, parce que c'est pas du tout espagnol. Il y aura aussi Jason Derulo, Marry Me. Je vous calerai aussi Martin Garrix. Voilà, avec Wizard, il y aura aussi Demi Lovato, Neon Lights. Et puis à son, vous avez découvert sur Fun aussi Chucky. Voilà, Chucky avec Skydive. Voilà, tout ça avant 2h du mat. Et puis si vous avez des sons à proposer, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous n'hésitez pas à les proposer justement sur le Twitter notamment avec le hashtag Mickaël. Vous balancez tous vos messages comme Océane qui dit vous m'avez manqué, trop plaisir de vous réentendre. Merci Océane et gros bisous. Valoche aussi qui dit coucou Mickaël. Et toute l'équipe de Fou Furieux, c'est parti pour une bonne soirée avec vous. Let's go. Et puis Warren qui dit aussi salut l'équipe, ça fait un mois complet que je ne vous ai pas écouté, je mérite un coup de pelle. Bon, c'est plus un coup de pelle là que tu mérites, là c'est un gros coup sur la gueule, hein, je le confirme. En attendant, je vais quand même t'en mettre un petit. Et Maëlys qui dit je me suis dit allez je vais dodo, et puis il y a Mickaël qui a commencé. Ah bah désolé hein, je suis vraiment désolé hein, mais écoute bon c'est pas grave, tu es quand même la bienvenue, même si t'écoutes que 5 minutes je ne t'en veux pas, il n'y a pas de souci. Et continuez à le dire à vos potes également, famille, collègues, enfin bref tout le monde qu'il y a enfin donc un truc à écouter le soir, c'est sur Fun Radio, 23h-2h du lundi au jeudi, le dimanche dès 20h. Et puis pour réagir à l'émission vous pouvez aussi bien sûr aller sur le Twitter comme je le disais, vous m'ajoutez, vous tapez M-I-K-L underscore officiel sur Twitter, l'underscore c'est le petit tiret en bas, et si vous m'ajoutez je vous suivrai bien entendu. Vous êtes aussi nombreux à débarquer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. J'ai mis la vidéo d'un mec qui est complètement barré dans sa tête. Allez voir. Je l'ai mise tout à l'heure vers 19-20h. C'est un mec qui vous explique pourquoi il faut rester célibataire. Voilà pourquoi il faut rester célibataire. Je vous en dis pas plus. Allez voir, je vous ferai écouter le son pour ceux qui n'ont pas internet. Donc c'est sur facebook.com/mickaëlofficiel. On fera le top tweetos également tout à l'heure. Donc si vous avez envie de gagner votre sextoy offert par passagedesir.fr. Voilà, saluons cette voix off de merde, bien entendu. Hein, qui, c'est parce que passagedesir.fr n'avait pas beaucoup d'argent pour la voix off. Ils ont pris le bas de gamme. Et donc pour gagner ce sextoy, il faut être numéro 5 ce soir dans le top tweetos. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 et de repartir avec votre sextoy. Attention également qu'il faut être 5e, donc il ne faut pas envoyer trop de messages, mais pas trop peu non plus. Mm-hmm. Voilà, donc comme ça évitera les gens qui floutent comme des porcs. Bon, Yannick dans quelques minutes, et puis on va se faire la colle également avec Anis qui est avec nous là. Bonsoir Anis. Bonsoir. Ah, je suis très déçu, je m'attendais à ce que ce soit une fille. Bah oui, moi aussi. Ouais, c'est pas grave Anis, écoute, bienvenue quand même. Hein. Bienvenue quand même non, Anis. C'est pas une fille. Non mais c'est rien, je me suis bien rendu compte, hein, sauf si tu as une voix très très grave. Bon Anis, alors nous allons donc faire la colle maintenant pour que tu puisses repartir peut-être avec 200 euros, les derniers 200 euros qu'on offre cette semaine. Bon. Anis, tu fais péter la colle maintenant. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne. D'accord ? Ouais. Bon, allez, c'est parti. On y va, Anis. Bonne chance. On t'écoute. Allez. Merci. Donc, c'est la souris mange le fromage, le chat mange la souris. Qui reste-t-il ? Ah ah. C'est sérieux, ça, cette colle ou pas ? Ouais, non, c'est vraiment sérieux, ouais. Ah, c'est sérieux. Non, bah alors, d'accord. Non, mais alors, j'ai rien dit. Alors, très bien. Donc, écoute, répète-la alors, hein, pour être sûr. Hein. Alors, la souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il ? Donc dans l'idée, Anis, toi tu joues en fait, dans le seul espoir, c'est que la personne qu'on appelle tout à l'heure à minuit ne décroche pas en fait. Gogol, ouais. Parce que ouais, parce qu'avec cette question-là, je veux dire techniquement, excusez-moi pour ceux qui auront la mauvaise réponse, mais il faut quand même être con. Mais moi je l'ai pas. Ah bah c'est ce que je dis. Bah quoi ? Vous avez la réponse ? Faut être con, voilà, c'est ce non, que mais je c'est dur, non ? Mais t'es sérieux là ? Bah je sais pas, c'est super dur. Mais oui c'est ça. Bon allez, facebook.com/mickaëlofficiel. Je vous mets la colle dans 30 secondes. Si vous voulez la lire, sait-on jamais. Et puis pour les autres, par SMS également, ça fonctionne. Tapez Mickaël. Ah ça y est, il a trouvé. Ah c'est ça y est, je lui ai donné. Sandra va souffler. Ça y est, il a trouvé. Donc Mickaël, espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique pour repartir avec les 200 derniers euros que je vous offre, histoire de pouvoir aller faire les soldes par exemple. Mmh. Alice, tu restes avec nous. On te récupère encore plusieurs fois pendant l'émission et on donne la réponse aux alentours de minuit. D'accord ? Allez, à tout de suite, Anis. À tout de suite, ne bouge pas de là. Bon, et puis on aura le canular aussi ce soir, bien entendu. On est au cœur d'une heure sans pub, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis, alors Anis, nous sommes de retour avec toi. On t'avait eu hier au téléphone, Anis. Non, Yannick. Oui, Yannick, moi qui mélange tout. Yannick, ouais. On ouais, t'avait eu hier au téléphone, je disais donc. Oui. Voilà. Et donc, tu nous appelais parce que toi, t'es DJ. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Et t'en kiffes sur une gogo danseuse. Non, c'est l'inverse. En fait, moi, donc je mixe dans la boîte et elle m'a fait comprendre qu'elle était intéressée par moi. Et bah vas-y mec, qu'est-ce que t'attends? T'es non con mais, quoi? Ça fait comment une gogo danseuse pour comme on sait que c'est pas très intelligent. Pour te pardon, hein, je. Pour se faire des amis ce soir. Ouais, ouais, parce que lui a envie de se taper une gogo danseuse, mais il est con, il vient des insultes. Moi je la bourre, moi j'ai empoché. Merci Paulo. Non mais comment elle fait pour approcher? Comment elle fait? Non mais comment il fait pour savoir qu'elle est intéressée par lui? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais parce qu'on discute, moi mes platines elles sont à côté des loges où elle va changer. De la barre de pool dance. Ouais, hein, voilà, c'est exactement, ça. On n'est pas. Et après, d'accord. On discute, on n'est pas, même si c'est un pas. Ouais, mais attends, parce que comment tu fais pour discuter avec ce truc là à fond de balle? Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, je peux en prendre un. C'est l'anniversaire. Ouais, tu peux lui souhaiter pour l'anniversaire, s'il te plaît. Maman, moi, je la mets dans le dessus, cette pétasse, là. On t'entend pas, on t'entend pas. On danse plus qu'elle, dégage. Ah ouais, c'est vrai, casse-toi. On peut pas aller sur le podium quand tu y es. Non, mais sérieux. Sandro, on a coupé la musique, mais là, dans sa tête, il y a encore la musique, il y a pas trop tard. Mais non, mais c'est vrai, comment tu fais pour discuter avec la musique à fond de balle? C'est après? Bah oui, bien sûr, avant ou après. Bon, alors, quel est le problème? En fait, le problème, c'est que moi, justement, là, j'entends tout le monde dire « Ouais, je la nique ». Bah oui, elle est gogo danseuse, donc elle est plutôt bien faite, j'imagine, en tout cas. Oui, on est d'accord. Non, c'est un nouveau concept, c'est la gogo danseuse moche. Ah d'accord, ok. C'est celle qui fait fuir les gens en fin de soirée. C'est ça, un nouveau concept, donc. Non, mais c'est vrai, quel est le problème? Oui, y a plein de gens, si la meuf, elle est jolie, c'est évident que tu vas tomber sur des mecs qui vont vouloir se la faire. Non, le problème, c'est qu'en gros, moi-même, je suis comme ça, mais elle aussi, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait quelque chose de sérieux. Et moi-même, je suis pas le genre de personne à aller tirer un coup. Donc tu veux un truc sérieux aussi sérieuse. Ouais, mais... Bon, alors quel est le problème? Alors ouais, c'est ça, tu pourrais être fier. C'est-à-dire que t'as tous les mecs qui vont baver sur ta meuf et c'est toi qui vas la baiser à la fin de la soirée. Évite la gogo danseuse ou la stripteaseuse, mec. Mais non, pourquoi? Parce que l'expérience. Genre, il va nous faire croire qu'il a d'expérience. Alors, le spécialiste de la stripteaseuse. C'est vrai. Va parler. Je vous remercie. Voilà, c'est ça. C'est genre. Tu peux mettre un roulement de tambour avant qu'il parle. Ah, si, je pourrais, ouais. Alors, attends une seconde. Merci. Merde, il est où celui-là? Ne bouge pas de là. Hein. Il arrive parce qu'il faut que je le recharge là. Et hop là. C'est parti. Attention, ladies and gentlemen. Mesdames, messieurs, le spécialiste de la stripteaseuse va parler. Oyez. Faites place pour Polo. Attendez. La gogo danseuse. Il est un peu long quand même le truc. Oui, écoute, j'ai pas choisi. Vous êtes prêts? Ouais. C'est toutes des putes. merci. Voilà, on restera sur cette... Aïe. On restera là-dessus. Reste avec nous Yannick, on va revenir avec toi dans un instant. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des filles, avec des métiers un peu particuliers comme la gogo danseuse? Bah venez nous en parler, voilà comment ça se passe. Si vous êtes peut-être aussi gogo danseuse et que vous voulez insulter Polo, les filles, appelez-moi. Allez-y. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il est 23h13 et c'est New World Sound au cœur d'une heure sans pub. Le son de New World Sound sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez, les 23h16, on est en direct évidemment. Et on est au cœur d'une heure sans pub, on reste sur le canular également tout à l'heure. Il y a Cheapest Baby qui dit « Lol Tof, tu étais pas avec une meuf avant ta petite voix de pute ». Ah non, tu étais pas une meuf avant avec ta petite voix de pute, pardon, t'en prends moi. Si, je pense, hein. Mais une moche, mais une vraie dégueulasse, ouais, avec un long nez, crochu, la grande classe. Le pire des meufs. Ah bah c'est clair. Bien crado. Sarah qui dit « Coucou mes loulous et chouchous d'amour, vous allez bien, hâte de passer une bonne soirée avec vous, je vous aime ». Bah t'es là, hein, Sarah, sois la bienvenue. Il y a Petite Mousse qui dit aussi « J'ai un petit zizi ». Eh bah très bien, bienvenue au club. Magda également qui dit « Oui, il ne faut pas arrêter d'écouter Mickaël No Limite après minuit, mais je te le confirme, sinon vous n'auriez pas su que... » je l'ai pris au dépourvu. Je l'ai pris à sec. On ne peut pas fister si on n'a pas été fisté. Voilà. Et un fist à sec, ça fait mal. Et bah oui, j'imagine. Et Magda aussi qui dit oui, il ne faut pas. Ah oui, ça je viens de le dire, autant pour moi. Julien aussi qui dit c'était trop bon hier soir. Et Marine, je suis dingue, j'ai perdu mes écouteurs donc je peux pas écouter l'émission. Bah t'as qu'à mettre le haut-parleur, Marine, là, quand même. Et Hugo Réo qui dit enfin quelque chose à écouter à la radio. Bah merci Hugo Réo. Tous vos messages qui arrivent évidemment en direct, c'est sur le Twitter que ça se passe, notamment hashtag Mickaël. Vous balancez tous vos messages sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis on va se faire la colle dans quelques minutes avec Anis, le retour, et Yannick, de retour également. Yannick? Ouais, je suis là. Ouais, t'es là, tant mieux. Alors, Yannick, 19 ans de Paris, qui sort et qui voudrait sortir avec une gogo danseuse. Elle a craqué sur lui, il est DJ, elle est gogo danseuse, ils sont dans la même boîte, visiblement, elle a envie d'un truc sérieux, toi aussi, et en fait, tu ne veux pas passer le cap uniquement parce que tu te dis que tous les autres ont des vues dessus et qu'ils sont tous en train de vouloir se la faire. Concrètement, c'est ça? Non, pas du tout. Ah bon, bah alors j'ai rien compris. Alors, attends, excuse-moi, alors, je vais remettre une pour me réveiller là. Voilà, c'est bah, c'est mieux là. Non, donc en fait, le fait que les gens la regardent, après ça, c'est ça, ça me dérange pas. C'est, après, c'est une histoire de confiance. En fait, le seul truc, c'est que moi, j'en ai parlé un peu avec mes proches de cette situation. La plupart de mes proches m'ont dit ouais, non, ça sert à rien. Comme a dit Toff, ouais, c'est une pute quoi. Non, c'est pas Toff déjà. Non, c'est Polo, c'est Polo. Merde. J'ai même pas reconnu la voix carrément. Tellement, mais en gros, directement, ils m'ont tous dit des choses comme ça. J'aurais bien voulu. Mais non. Extérieur. Mais, attends, non, non, je vais redire ce que j'ai dit. C'était un peu pour plaisanter, mais non, non. En fait, faut se méfier parce que c'est vrai que c'est des filles qui sont un peu intéressées par la thune plus qu'autre chose, et peut-être par ta position de DJ. Ouais. Tu vois, le DJ, ouais, c'est quand parce même que bandé, t'es DJ. Quoi. Ouais. C'est ça, regarde Toff. Regarde Toff. Non, mais c'est vrai, attends, on a pris l'exemple en même temps avec Polo. Je veux dire, c'est pas ainsi, on s'est pas fait des signes. Mais je veux dire, s'il arrive à se taper des meufs, ouais. Bon, faut voir après. Faut voir après la qualité, hein. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il fait de la radio. Non, mais que ce soit clair. Et il était presque DJ aussi, donc il ça, a été ça, presque DJ. Mais voilà. C'était pour serrer des meufs avant de faire de la radio. Voilà, voilà, c'est ça. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que la radio c'était plus facile. Voilà, parce que quand il était presque DJ, il mixait comme ça. Voilà. C'était parfait, hein. Le son est parfait. Ah, t'es bon, Toff. Voilà, donc ça, c'était, c'est pour ça qu'on l'a appelé le presque DJ, ouais, à un moment, mais c'est pour ça. Bon, Yannick. Oui. Bon, donc du coup, pour revenir à la solution, enfin l'éventuelle solution. Donc là, techniquement, tu ne sors pas avec elle. Pourquoi alors? Parce que en gros, on m'a donné plein de tout le monde autour de moi me déconseille de faire ça. Donc, mais fais comme tu veux. Ouais, ouais, mais... suis ton cœur, mon amour, mon ami, pardon. Oui, voilà. Ok, mon chéri. Non, mais suis ah, mais ça y est, il est en kiff là, maintenant. Non, mais ça y est, il y a ton eu cœur, le. Tu peux pas. Et laisse ta bite montrer le chemin. Voilà. Croisant mon expérience, n'écoute pas les conseils des gens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie derrière. Bon, attends, il y a Jérémy aussi qui est avec nous de Bordeaux là. Salut le Bordelais, comment ça va? Salut l'équipe, bonne année, bonne santé. Eh bien, bonne année également, dis donc. Alors. Est-ce que t'as un conseil à filer, toi? Est-ce que t'es déjà sorti avec une fille qui avait un métier style gogo danseuse ou un métier un peu particulier, quoi? Non, pas du tout, mais je vais pas rassurer Yannick. J'ai un copain à moi qui sortait avec une gogo danseuse et chaque fois qu'elle allait en soirée faire son spectacle, il avait les cornes sur la tête. Oui, évidemment, ça va pas le rassurer, ça je le confirme. Hein, ouais, c'est... Ça va pas te rassurer, Yannick, je suis désolé. Ouais, après, c'est pas question de me rassurer, c'est au moins question de comment dire, de entre guillemets la fortifier les avis des autres, parce que moi j'ai pas des vues sur elle, c'est elle vraiment qui me pousse. Mais après moi, bah voilà, elle est pas moche, on discute, on rigole, mais après moi y a rien de plus. Moi je suis pas le genre de mec qui va foncer comme ça, tu vois. Donc c'est ça, ouais, mais bon, t'aimerais bien quand même lui casser les pattes arrière. Je lui mettrais bien une cartouche, hein. Ouais, oui, on peut appeler ça comme ça également, effectivement. Bon, attends, il y a Sandy aussi qui est avec nous là, 22 ans de Fréjus. Salut Sandy. Oui, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Salut. Impeccable. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue alors, Sandy. Alors, est-ce que tu es gogo danseuse ou est-ce que tu fais un travail, on va dire entre guillemets, original? Alors, je suis pas du tout gogo danseuse, mais moi par contre, je suis pompier volontaire depuis 5 ans. D'accord. Et je côtoie constamment que des garçons. Ah, forcément, ouais. Qui veulent alors, tous te fourrer leur lance. Ouais. Exactement, c'est exactement ce que j'entends comme propos à la caserne. T'as vu, donc finalement c'est bien ça, hein. Donc Toff est un con. Oui, c'est ça. Voilà, non, mais très bien, mais comme ça au moins on a explication, très bien. Bon, et donc non, vas-y, alors explique donc, la suite. Moi c'était pour lui dire que faut savoir faire confiance à la personne. Moi, donc ça fait 5 ans que je suis pompier volontaire et j'ai un copain depuis 2 ans, je suis paxée avec, tout se passe bien. Et c'est un métier comme un autre, il y a souvent des garçons qui sont au contact de moi, il suffit de me faire confiance. Et comme je réponds toujours, si j'avais voulu me taper un pompier avant lui, je l'aurais fait. Ouais, mais donc, ça se trouve, t'auras envie après lui. Enfin, après, t'auras peut-être envie à un moment ou à un autre, et peut-être un autre pompier qui va arriver, que tu vas kiffer. Avec, c'est et ça, puis, une plus grosse lance, et puis un plus gros camion. Non, ça je me fais pas de soucis, je connais leur mentalité, je sais ce qu'ils recherchent les pompiers, ça m'intéresse pas. D'accord. Et... Parce que moi j'ai toujours un grand homme qui a dit à maman tous les mêmes hein, de Stromae. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Chanson qui d'ailleurs il a dédicacée à Toff. Hein. Oui. Tous les mêmes trous du cul. Mais elle a été censurée la chanson, donc ça c'est. Oui, mais j'ai ma version personnelle que j'écoute dans ma voiture. Ah d'accord, ok. T'as l'autolib? Oui, dans l'autolib. Il y a la radio? Il y a la radio, il y a même l'USB, mec. Waouh. Attends, l'autolib, ils ont pas rigolé. Hein. Ah, ils ont pas fait dans le détail. Waouh. Ouais. Wow, bon, parfois il y a plus les haut-parleurs parce que les mecs les ont volés, mais il y a la radio. C'est déjà ça de prix. Donc l'autolib, c'est les voitures de location qu'il y a dans Paris et qu'on peut utiliser comme les vélos, quoi, comme les vélib, etc. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, comme le vélib, mais en voiture. Mais en voiture, exactement. Bon, bah très bien. Et donc du coup, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil alors à Yannick de faire confiance au départ, ouais. De voir comment ça se passe, parce que ça veut pas dire que c'est pas une fille sérieuse. Après, c'est vrai qu'il faut se méfier, parce que ça reste une gogo danseuse, donc c'est qu'elle aime plaire aux hommes, elle aime les séduire, donc faut toujours faire attention. Oui, mais voilà, après, c'est pas parce que... Pouvoir faire confiance, parce que dans ce cas-là, ces jeunes filles, elles n'auront jamais de copains, et inversement pour les gogo danseurs. Ouais, d'accord, ok. Mais en même temps, c'est pas non plus, c'est pas parce que t'es gogo danseuse que tu sais, genre il faut faire attention, parce qu'on peut pas lui faire confiance, bon, ça va, quoi. Non, faut partir du principe qu'il faut avoir confiance et puis le jour où il apprendra quelque chose, ben ça sera tant pis pour elle. Oui, mais dans l'absolu, ça marche à chaque fois, ça. Dès que t'apprends quelque chose, tu la vires. Hein. C'est ça. Bah, l'idée, c'est ça. C'est pareil pour ce métier-là, je pense. On est d'accord. Bon, attends, reste avec nous. Sandy, Jérémy aussi, Yannick aussi. On aura Morgane dans quelques minutes. On va te refaire un petit coup de la colle maintenant. Est-ce que tu es toujours là, Alice? Ouais, toujours. Merde, je suis trompé de musique. Alors, Alice, bon, fais péter la colle pour repartir avec les 200 euros, je tiens à le rappeler. C'est la dernière fois en plus que vous pouvez choper les 200 euros ce soir. Donc, profitez-en bien. Oh, il faut répondre à la colle d'Anis. Vas-y, Yannis, on t'écoute. Allez, c'est parti. Ouais. La souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il ? Voilà, donc je rappelle qu'il ne se fout pas de vous avec ce genre de colle. Hein. Je pense qu'il cherche juste à gagner en misant sur le fait que vous n'alliez peut-être pas décrocher. Voilà, c'est uniquement là-dessus qu'il essaye de miser. Donc, tant qu'à faire, autant y aller. Hein. Donc, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Théo qui proposait un humain. Non. Non, il y a Xavier qui proposait, il dit qu'il ne reste rien. Non. Non, Quentin qui dit le chien parce qu'il mange le chat. Non plus. Non, on proposait un trou. Non. Hugo qui proposait la tapette à souris. N'importe quoi. Bon, bah très bien. Comme quoi, il y a quand même des réponses à la con. Hein. C'est le cas de le dire. Bon, la souris mange le fromage, le chat mange la souris. Que reste-t-il et qui reste-t-il? Vous avez la bonne réponse, tant mieux. 200 euros à gagner pour aller faire les soldes, ça peut être pas mal. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien entendu venir nous rejoindre et lire la colle que j'ai postée il y a une dizaine de minutes sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous repartirez tout simplement avec 200 euros. Si vous êtes tiré au sort, vous passez à l'antenne, vous donnez la réponse, c'est gagné. Si vous ne décrochez pas ou que vous ne donnez pas la bonne réponse, et à ce moment-là, ce sera Anis qui gagne. Anis, tu restes avec nous ? Bon. On donne la réponse avant minuit sur Fun Radio. On récupère Morgane dans quelques instants. Et puis je vous disais que j'avais une bonne question là pour les appels de Toff. Tu vas appeler pour demander aux gens leur position sexuelle préférée. Position sexuelle de leur femme. Parce que j'ai le top 10 pour les hommes, mais du coup, aucune idée pour les filles. Forcément. Voilà. D'ailleurs, Sandro, la position sexuelle préférée ? J'aime bien un peu tout, mais je sais pas. quand j'ai l'occasion de pratiquer, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. J'aime bien pour changer un peu, je vais dire la cuillère. La cuillère. C'est quoi la cuillère ? Ouais, pas les trucs les plus folichons. C'est sur le côté. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Mais sur le côté, mais comme ça tu peux bien lui prendre les seins. Oui, voilà, c'est ça. Et donc sinon, pour les mecs, j'ai le top 10, donc là on va les lire dans quelques minutes. Mais et vous nous avez pas dit. Mais je vais le lire dans un instant, pardon, là, justement, hein. J'avais les filles là. Je suis emballée, moi. Elle s'emballe, c'est parce qu'elle était excitée par Toff, elle veut absolument savoir si ça correspond ou pas. Oui, Toff m'excite énormément. J'imagine. Bon, alors donc allez-y, vous nous dites quelles sont vos positions préférées. On va appeler des gens dans quelques minutes pour connaître leur position préférée, justement. Et si vous avez des numéros de gens qu'on pourrait appeler maintenant, eh bien vous envoyez le mail à toph@funradio.fr. On fait ça dans quelques minutes, d'accord? Mais quand tu veux. Très bien. Je suis prêt. Je peux vous dire que le numéro 10, c'est la sodomie. Oh! Position sexuelle préférée des mecs. En numéro 9, le ciseau. Je peux vous donner les trois derniers. Le missionnaire en 8, heureusement. Et alors, les petites cuillères en 7. Ah ouais, comme Sandro. Ah, voilà, comme Sandro, c'est pique cuillère. Bon, on en parle dans un instant. Vos positions sexuelles préférées, les filles, envoyez-nous ça. Soit vous appelez le standard, hein, vous appelez Sandro au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Ou alors directement avec le hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas, rejoignez-nous. On vous attend et on va vous faire découvrir un son qu'on vous avez découvert sur Fun Radio. Le son de Fatboy Slim maintenant, le nouveau Hit, Sleep, Rave and Repeat sur Fun Radio. Services DJs. Le son de Fatboy Slim sur Fun Radio avec Hit, Sleep, Rave and Repeat. Il est 23h30, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio avec le Prince Nadia qui a envoyé son petit message comme d'habitude avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter. La petite cuillère, c'est la position la moins fatigante. Moi perso, je suis plus levrette, sensation maximale garantie. Il y a So aussi qui dit au pire, il fait ce qu'il veut, il faut pas faire sa vie en fonction des autres. Non, bah, ça c'est sûr, ouais. Et alors, grâce au reportage de la sur la fistinière, j'ai pu voir à quoi ressemble une croix de Saint-André. Évidemment, j'ai pensé à Toff. Ah bah, oui, allez. Parce que je rappelle que Toff nous a avoué juste avant les fêtes, hein, c'était pas très Noël, qu'il aimait se faire et qu'il s'était déjà fait et qu'il le pratique encore, le fait de se faire accrocher sur une croix. Non, je t'attendrai en forme de X. J'en trouve une autre. Ah bon, pourquoi tu l'as cassé? Non, mais je l'ai pas cassé, mais on s'entend plus très bien. Enfin bon, une histoire. Ah bon? Bah oui. Ah, plus de croix? Bah plus de croix pour le moment, enfin sauf si quelqu'un d'autre a une croix chez lui, mais. Ah merde, ah d'accord. Et comme on m'avait promis de me livrer des croix à la radio, mais pour le moment rien, donc. Ah d'accord, ok. Bon bref, et donc du coup il aimait se faire fouetter et enculer d'ailleurs aussi, il l'a dit, hein. Donc oui. Que les choses soient claires. Si vous avez prévu de coucher avec Toff, vous savez ce qu'il vous attend. Warren qui dit si Toff vous explique quelque chose en sexe, vaut mieux se jeter dans la Seine, c'est sûr. Et Anthony qui dit vous êtes trop bon, je vous écoute tout le temps, vous pouvez me donner le Twitter. Oui bien sûr Anthony. Tu tapes Mickaël _, c'est le petit tiret en bas. Mickaël _ officiel, tu tapes ça sur Twitter, tu me rejoins, je te rejoindrai également, on se rejoindra tous, ça va être la folie totale, tu vas voir, ça va être génial. Bon alors on va parler des positions sexuelles préférées. Ça tombe bien, nous avons Sandy avec nous qui n'appelait pas du tout pour ça à la base, hein. Sandy, t'es là? Oh oui, pas du tout, j'appelle pas. Eh bah c'est pas grave. On a vu donc je vous disais que j'avais une bonne question pour les appels de Toff qu'on va faire dans un instant. Et donc il va appeler pour connaître les positions sexuelles préférées des filles ou des femmes. Parce que bah on a le top 10 pour les hommes mais on les a pas pour les filles. Alors du coup c'est quoi toi la tienne Sandy? Bah écoutez, il y en a plusieurs, hein, toutes sont bonnes normalement. Bon, celle que tu kiffes le plus. Je pense que je pourrais dire la levrette. La levrette, d'accord, ok. Alors pour les mecs, j'avais dit qu'il y avait la sodomie en 10. Hein. Pratique, alors c'est ce que je dis, hein, c'est les petites explications. Pratique spéciale que beaucoup de garçons adorent, elle doit se faire seulement si les deux partenaires sont complètement consentants. Oui, dans l'idée, c'est toutes les positions. Hein. Il faut que les deux partenaires soient complètement consentants. Sinon, il y avait les ciseaux en 9. Alors l'homme se tient devant elle, agrippe ses chevilles, la pénètre en lui écartant les jambes, qu'il croise et décroise ensuite comme une paire de ciseaux. D'où le nom. Mais oui, mais ah, c'est pas ça, con celui qui a inventé le ciseau, hein, c'est clair. Ah, oui. Alors en 8, il y a le missionnaire, hein, donc c'est bon chiant. En 7, il y a les petites cuillères, hein, c'est apparemment un paradis pour les filles. La preuve, hein, Sandro nous a dit que c'était au top, et en tout cas quand elle pratique, c'est-à-dire pas très souvent, eh bien c'est ce qu'elle préfère, la petite cuillère. Voilà. Alors sinon, il y a la fellation, hein, c'est le préliminaire préféré des garçons, oui, effectivement. Quoique Toff préfère un doigt, enfin bon, bref. Un doigt dans l'yonf. Oui, voilà, mais, c'est ça. Mais pendant la fellation. Voir dans l'urètre. Royale, ça s'appelle. Ah oui, c'est la petite royale. Ouais. Non, dans l'urètre, tu peux pas rentrer un doigt. Arrête. Il y a bien des gens qui arrivent dans la piscinière à mettre des trucs. Non, mais d'accord, mais la piscinière, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, bah c'est ça. Ouais. Essayez, Toff. Hein. Non, je suis pas prêt. Ouais. On va te mettre un stylo bic. Et donc, du coup, j'ai les 5 premiers que je vais lire dans quelques minutes. Les autres, allez-y, dites-nous quelle est pour vous votre position sexuelle préférée, les garçons, les filles. Hashtag et Mickaël, vous balancez vos messages aussi. Vous appelez Sandro 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Sandy, reste avec nous. Avant de faire les appels, il y a Morgane avec nous de Pau là. Salut Momo. Salut. Comment ça va Morgane? Ça va et toi? Bah ça va bien. C'est quoi ta position sexuelle préférée toi Morgane? La levrette, d'accord, ah, ok, très bon bien. Ça. Non, mais c'est bien classé chez les mecs la levrette, hein. C'est pas chez mal. Les filles, ouais, aussi, chez les filles, ça a l'air. Ouais. Ouais, bah écoute, apparemment aussi. Attends, il y a aussi. Eh Jérém. Ouais. C'est quoi ta position sexuelle préférée toi? La levrette aussi, Yannick. Idem aussi. Attends, il y a Mohamed qui vient d'arriver aussi de Bruxelles. Salut Mohamed. Allô. Ça va Mohamed? Ça va et toi? Ça va. Dis-moi, tu voulais réagir à Yannick, mais avant ça, c'est quoi ta position sexuelle préférée? J'en ai pas. T'en as pas? J'aime tout moi. Ah t'aimes tout, ouais, toi tu t'en fous, toi t'es pas du dans le détail. D'accord, ok, très bien. Bon, alors, exactement Mohamed. Bon bah Mohamed, bah reste avec nous. Tu vas nous parler de donner peut-être un conseil à Yannick qui voulait sortir avec une gogo danseuse, donc il savait pas, il hésitait, il sait pas très bien, bref, il voulait des conseils. Mais avant ça, appelons le premier, l'heureux élu Mais oui, allons-y. De ce soir, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On appelle maintenant eh bien, quelqu'un pour lui demander quelle est la position sexuelle préférée de madame. Bah et oui. Si c'est une femme qui décroche, sa position à elle. Oui, forcément. Bah voilà, donc on y va, on appelle. Allez, c'est parti. On écoutera aussi le son de Jason Derulo avec Marry Me tout à l'heure. Et on aura le canular aussi qui va débarquer d'ici un gros quart d'heure. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir quelle était votre position sexuelle préférée. Celle de ton culé, ça te va ? Bah non, pas trop quand même. Ah mais classé dixième quand même. Voilà, dixième, ouais. Voilà, ce demi-dixième. Bon, on va la rappeler, la Vierge Gentille. Ah, adorable. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien avec ça, tiens, avec elle. Espèce d'enculé. Oui, oui, ça aussi, oui. Bon, allez, hop, on la rappelle, c'est parti. Je ne sais pas dans quelle ville on était, mais en tout cas charmante. Sexy, tout ça. Enfin, vraiment, donne envie de parler avec elle, quoi. Ah bah, elle décroche plus maintenant. Oui, allô. Allô. Oui, excusez-moi, monsieur, j'étais aux communications avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, en fait, voilà, je voulais connaître sa position sexuelle préférée. Et la tienne, c'est quoi, la position ? Ben, j'ai pas de femme, monsieur. Non, mais je m'en fous, mais c'est quoi la tienne ? De position préférée. Bah ben, moi, j'aime bien la levrette. Eh ben, tu vois, comme ça, je t'encule, si tu aimes bien la levrette. Non, mais je comprends pas, monsieur. C'est pas pour ça que je vous appelle. Non, mais c'est moi, je te le dis, mon pote. Si tu aimes bien la levrette, moi, ouais. Je t'encule. D'accord, mais si j'ai... d'accord ou pas ? Bah, pas tellement, parce qu'en fait, moi, c'est bah, la... écoute, et après, quand, une fois que je vais jouir, tiens, tu me suces aussi. Comme ça, je te fais crier deux fois. Je jouis dans ta bouche et je suis ma bite au rideau. On est d'accord ou pas, mon pote ? Je comprends pas. Tu comprends rien, alors ? T'es un beauf. Bah, non, monsieur, mais en fait... Eh moi... oui, mon petit poteau, allez, bonsoir. Et n'appelle plus, hein. Ah oui, mais... Allô ? Ouais, non, bah d'ailleurs, gros, là, c'est terminé, c'est dommage. Ah, ouais, c'est dommage, ça partait sur une bonne discussion, ouais. Je trouve. Ouais, on était bien là, on était bien, on arrivait à communiquer. Ouais. Bon, comme on a eu la dame, on va prendre ça comme la sodomie, c'est la position préférée. Bah, on va prendre ça, ouais. Bah, foot, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Il y a Ada aussi qui dit, vous me faites délirer tous les soirs, vous êtes les meilleurs. Merci Ada, et Flo aussi, ma position préférée, c'est le 69. Ah, je déteste ça, ouais. Moi aussi. Ah non, moi j'aime bien. Ah non, moi j'aime pas. C'est normal, c'est pour les bouffons. Ouais. C'est la position du bouffon. Non, moi j'aime pas. Moi non plus. J'aime pas, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais bah je suis pas trop fan. Je comprends pas, quoi, c'est sympa. Non, mais en fait, t'as le truc de. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, donc toi tu fais un cunni à la meuf, et donc la meuf au-dessus ou en dessous te suce en même temps. Et je déteste me faire sucer à l'envers. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le fait d'avoir le nez dans l'yonf de la meuf, ça le dérange non, pas. Si, non, mais bien sûr. Non, mais ça, non, mais ça aussi. Moi je m'attendais à ce que tu me dises ça, ouais, c'est parce que voilà, je suis obligé de regarder son cul et tout. Non, non, c'est juste parce non, que. Non, mais après, tu fermes les yeux, tu penses à autre chose. Mais je veux dire, sinon, c'est. Chier l'intérêt. Pas, mais non, mais yeux, j'aime pas. À autre chose. Non, mais c'est pour ça que je fais pas. J'aime pas ça. Non, d'accord. Voilà, c'est le fait. Je sais pas, c'est pas pareil. Ah ouais, bah ok. Mais Paulo, pourquoi t'aimes pas ? Je ne supporte pas ce genre de position. Ah c'est bah comme oui, mais c'est vrai que monsieur ne fait pas de cunnilingus. J'avais oublié, ah, c'est mais vrai, c'est pour ouais. Les clochards ça. Oh en plus, t'attrapes des boutons. Mais c'est toi qui n'es pas clair. Mais si, t'as plein de boutons light gel, mais t'as des maladies, ça se voit, regarde, t'es horrible. Ouais, mais ça vient pas de là. Et là, toute cette déformation du visage, ça vient de là. Hein. Ouais, mais l'avantage avec le Détoff, c'est qu'il peut faire un culi et en même temps un anélingus. C'est ça qui est bon, c'est que voilà. Tu vois, je peux lui rentrer non, la langue pas, et en même temps l'utiliser le kito avec voilà, le nez. C'est mais ça j'ai pas le temps pour faire ce genre de truc, moi je bourre, vite fait. Il a pas le temps, il a pas le temps. Ah bah attends. Bon, il y a JRM aussi qui dit moi c'est Androma qui a Sandro, je veux faire du tam tam avec tes fesses et Toff te fouetter avec des barbelés. C'est Ada, elle est rentrée dans le Ada. Je veux quelque chose là. Ah bah oui, bah attends, il y a Jojo qui dit moi j'aime bien. Son message de bienvenue de la part de Ada. Bah oui, bah Ada, vas-y. Jojo qui dit moi j'aime bien la cuillère, elle est 69. Magda qui dit ma position préférée c'est la levrette. Il y a Devers 45, moi c'est le 69, c'est la meilleure. Ouais bon bah tant mieux. Stéphanie qui dit la sodomie n'est que 10e dans le classement des mecs, c'est rassurant. Oui mais après voilà, comme il disait, il faut que les deux soient consentants, mais pour tout dans l'idée. Hein. Et puis Eric qui dit Fun Radio, la meilleure, je me tape des barres avec vous, il faut pas qu'il reste avec elle, elle va tout lui prendre et partir avec. Oh là là, le résumé rapide là, donc il disait ça par rapport à Yannick qui nous avait appelé parce que bah il est DJ. Et qu'il y a une gogo danseuse qui aimerait bien sortir avec toi, qu'elle veut une relation sérieuse, toi aussi, mais tu sais pas si c'est possible d'avoir une relation sérieuse avec une gogo danseuse, toi. C'est ça, ouais. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Bon, alors il y avait Morgane qui voulait réagir aussi par rapport à cette histoire. Salut Morgane, enfin re-salut plutôt. Salut. Alors, salut. Bon, Morgane, t'appelles de Pau, toi ? Ah, Rodon. C'est ça. Très bien, attends, parce qu'il y a son bras qui fait Radio Standard, Standard en même temps. C'est Radio Standard, c'est. J'espère que vous avez noté parce qu'elle a balancé le numéro de téléphone. Voilà. J'ai oublié de couper au micro. Il n'y a pas de mal. C'est pas facile la radio. Hein. Bon, Morgane qui voulait nous expliquer. Morgane qui voulait plutôt expliquer à Yannick, qui veut donner des conseils éventuels. Tu fais quoi dans la vie, Morgane, toi? Justement, je viens d'arrêter d'être gogo-danseuse. Oh, tu veux pas recommencer dans le studio? On te met une petite barre. Alors, si tu mets une barre de pole dance, oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème, viens, d'accord. Écoute, envoie à polo@radio.fr, envoie des photos. Morgane, combien mesures-tu? Ah bah ça faisait longtemps, tiens, j'ai cru que tu avais oublié un moment. Non, non. Combien? 1 mètre? 70. Combien pèses-tu? 61. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Je sais, mais les chiffres devant. Hein? Les chiffres devant. 90. 90? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est comme c'est énorme. Ah oui. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Bonne. Faisons installer cette barre. Bonne. Oui. Bonne. Ça faisait longtemps. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, alors du coup, l'autre, je suis déchaud bouillant là. Bon, du coup, on va se laisser la pub, Morgane, pour fantasmer sur ça. Non. Et on va revenir avec toi juste après. Tu restes là? Ça marche. Bon, bouge pas Morgane, bouge pas Yannick, Sandy et Mohamed, on va les prendre dans un instant. Anis également avec la colle pour gagner les 200 euros. C'est ce qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis je vous calerai aussi, comme promis, le son de Jason Derulo. Ce sera Marry Me sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs dans toute la France. Attention, demain également, si vous voulez partir au ski, eh ben ce sera votre dernière chance de jouer avec Bruno dès 6h. Ah déjà? Ah bah oui, bah c'est vendredi après. Hein. Après c'est congé. Ah bah oui. Ah bah oui, donc si vous voulez partir au ski, Bruno dans la radio dès demain à partir de 6h sur Fun Radio. En attendant, balancez toujours vos messages. Il y a Anis qui a toujours la colle et qui va nous la répéter tant qu'il est là. Tiens, Anis, c'est moi qui fais de la merde. Anis. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous répéter la colle, s'il te plaît? Oui. Vas-y. Donc, la souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il? Voilà, donc la souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKLOfficiel. Et je vous offre vos 200 euros cash pour la dernière fois de la semaine. Donc allez-y, maniez-vous, je vous souhaite bonne chance évidemment. On fait gagner ça d'ici quelques minutes puisqu'on vous donne la réponse d'ici à minuit. On va faire le canular aussi dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis je vous l'avais promis, on va s'écouter. Écoutez le son dans quelques instants aussi de Jason Derulo avec Marry Me. Eh ouais, ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio, Jason Derulo sur Fun. Et puis on va, Jason Derulo, ouais, on va se l'écouter dans quelques minutes. Mais avant cela, promis, je l'avais dit, Yannick est de retour. Je suis là. Yannick est de retour. Il y a le prince Nadia qui a envoyé un message aussi sur le Twitter qui dit: Mickaël, l'important en position levrette, c'est que la fille est une belle chute de rein, une belle cambrure. Je trouve ça trop sexe. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Nicolas qui dit: un coup de pelle pour moi, ça fait 2 mois que j'ai pas écouté ma prière du soir. Bah Nicolas, t'es sérieux là? Comment ça se passe là? C'est quoi ces conneries là quand même? Warren qui dit: ma position préférée, c'est la levrette sans hésitation. Stéphanini qui dit la phrase du soir: je déteste me faire sucer à l'envers, je me suis étouffé. Non mais c'est vrai, écoute, je dis les choses après, hein. Je déteste me faire sucer à l'envers, lol, c'est Josh. Oui, bah ça va être votre ça soirée. Ça a marqué les esprits. Mariam qui dit: ma position préférée, c'est de m'asseoir sur le mec. Attends, c'est de m'asseoir sur le mec sur une chaise. Attention, maximum pour les deux. C'est vrai. C'est énorme parce qu'en fait, t'as la pénétration qui est super forte parce qu'elle a tout son poids qui redescend. D'accord. Ah, donc il faut prendre une meuf un peu imposante. Ouais. Genre, je dois prendre Sandra un peu. Ouais. Alors, avec Sandra, c'est ça multiplie encore. C'est ça. C'est encore plus de plaisir, Polo. Et Hugo Réo qui dit: vis ta vie, suis ton cœur et laisse ta bite te montrer le chemin. Ça, c'était par rapport à Yannick. Et Brittany qui dit: j'ai remarqué qu'à chaque fois que Toff parle, il dit une connerie. Oui, c'est ça. C'est un peu le principe. Anthony, vous êtes trop bon, je vous écoute tout le temps et super émission, je vous adore, continuer comme ça. C'est Solène, merci Solène. Tous vos messages, allez-y, vous venez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKLOfficiel. Et puis j'ai dit que tout à l'heure j'ai mis une vidéo d'un mec qui est célibataire et qui veut montrer à tout le monde que le célibat, il n'y a que ça de vrai. Bon, il est un peu con parce qu'il est un peu énervé quoi. Bah, il est un peu énervé, je le confirme. J'avais dit que je mettrais le son, je vais le mettre dans quelques minutes, donc bougez pas de là. Et puis bah, en attendant, si vous voulez aller voir ça, c'est sur Facebook que ça se passe, facebook.com/mikaelofficiel. Bon, alors Morgane, puisque nous avons eu le temps de la pub pour bien fantasmer sur ton 90C. Ah oui. Bah oui, Morgane, en plus c'était gogo danseuse là. Pourquoi t'as arrêté au fait? Pour devenir danseuse, enfin pole danseuse professionnelle. Ah, parce que nous sommes jury également hein, de ce genre de pole truc. Dance. Hein. On est jury de pole dance. Non, moi je dois dire, je suis spécialiste mondial des boîtes de striptease, du pole dance et du lap dance, et c'est vrai. Ouais, enfin mondial pas vraiment, il est plutôt sur New York, Miami. Ouais, et Tokyo et Bangkok. Ouais. Et Londres. Tu dis? Pole dance, c'est très différent quand même. Oui, j'ai dit pole dance et lap dance. Voilà, pole dance et lap dance. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, alors du coup, puisque t'es là, Morgane, et que t'avais effectivement un métier un peu particulier, qu'est-ce que t'as comme conseil à filer à Yannick? Déjà, est-ce qu'il la connaît bien cette fille-là? Est-ce que ça fait longtemps qu'il la connaît? Il se rend pas bien compte avec la musique à fond de balle, comme il est DJ, c'est difficile. Hein. Non, ça fait quoi? Ça fait 6 mois maintenant qu'on travaille ensemble. Et donc, T'as vraiment aucun risque, je pense, parce que bon, tu dois être quand même assez connu dans cette boîte-là, et je veux dire, même s'il y a des soirées où elle danse et où t'es pas là, il y aura tes potes ou les gens qui te connaissent qui pourront un peu la guetter, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à te faire là-dessus. Tu peux avoir confiance dans ces filles-là. Plus elle a envie du sérieux, c'est que c'est tout bon pour toi, quoi, franchement, ouais. Ouais, mais c'est ça, voilà. Et si la meuf, elle a envie d'être sérieuse, faut lui laisser l'occasion de le prouver. Yannick, qu'est-ce que t'as à perdre au final? Ça se trouve, la meuf, elle est pas sérieuse, elle va se foutre de ta gueule, et puis bah, tu la vires, voilà, c'est tout, c'est que c'est une conne. Ouais. Bah oui, t'as rien à perdre. Ouais, j'ai rien à. Peut-être je me pose trop de questions parce que ça m'étonne. Ah bah je te confirme. Une situation un peu dans le même genre où. Je peux dire qu'un mec normal il se poserait pas ce genre de questions. Ah ouais, moi je serais déjà dedans en train de la bourrer. Hein. Oh tof, putain. C'est dur quand même d'être aussi con là. Pourquoi dire des trucs dégueulasses? Voilà. Mais j'ai rien dit de dégueulasse. Bah oui, c'est ça, ouais. Pauvre con. Ferme ta gueule. Du con. Voilà. Bon, alors, qui c'est qui a la radio là, Sandy? Oui. Il va couper sa radio directement là. Comment? Ben voilà, mais on t'en comprend mieux parce que t'as coupé la radio. Ah non, même pas. Bon, c'est pas grave, attends, Sandy, oui, c'est Suzelle que c'est le bordel. Bon, donc du coup, Yannick, qu'est-ce que tu vas faire? C'était quoi le truc qui t'est arrivé à peu près similaire, comme t'as dit? Ouais, bah je disais, ouais, en gros, enfin, similaire, c'est que j'avais rencontré une fille, mais c'était un peu compliqué. En gros, c'était une pote d'un pote à moi, enfin voilà, c'est le genre de truc comme ça. Ouais. Et en gros, je me suis mis un peu avec elle, et la plupart de mes potes me disaient non, fais pas ça, elle a une réputation un peu bizarre, de croqueuse d'homme, des choses comme ça. J'ai dit, moi je m'en fous, moi je réfléchis pas comme les autres, je donne ma chance à tout le monde, je donne facilement ma confiance, et bah au final ma confiance elle a été bafouée, quoi. Donc maintenant, mais oui, mais ça arrive, c'est comme si un mec qui va sortir avec une meuf, ou l'inverse, hein, la meuf va se foutre de sa gueule, va le tromper, du coup bah ouais, mais je lui donnais ma confiance et j'ai pu me rendre compte qu'elles sont toutes les mêmes, ça veut rien dire. Bah oui, ouais, non, mais là le truc c'est que c'est, tu vois, en gros je donne ma confiance, y a pas de souci, là je fais pas le pleurnicheur, ouais ça y est, je dis juste que vu que c'est une gogo danseuse, tu vois, y a un petit truc qui peut rajouter le fait d'avoir des suspicions. Pourquoi tu ne demandes pas aux autres personnes qui bossent dans la boîte, aux autres collègues qui doivent la connaître un minimum, et ils te diront si déjà elle a un passé. Un passé ou pas. Mais parce qu'elle est arrivée après moi. Ah bah donc tu connais. Ouais, donc tu sais comment elle est. Elle est là avant elle. Mais à partir du moment où elle te dit qu'elle veut un truc sérieux, si elle voulait pas un truc sérieux, elle t'aurait rien dit au pire. Ouais, c'est pas faux. Ah, tu vois, et pour une fois que Sandro dit un truc bien. Ouais, mais va te faire voir, putain. Oh, ça va, et oh là là, baisse d'un ton là. S'énerve, là, dis donc. Qu'est-ce qu'il a, Polo? Il a un souci, hein. Ferme ta gueule. C'est un arme. Hein. Non, sinon, on s'aime bien, vous inquiétez pas. Trop d'amour dans cette émission. De quoi? Il faut respecter les femmes. Mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est ce qu'on fait. Tu vas pas nous dire ce qu'on doit faire, toi. Eh, regarde l'autre, on voit qu'il a envie de taper Sandro là. Mais non, c'est juste un mal. Pas du tout, elle m'a appelé, tout, gentil, Pépère, t'as voulu parler mal. Ah, ben on lui trop parle mignon, pas merci. Mal. Cela dit, j'ai peut-être une solution pour toi là. Je sais pas si tu te souviens, j'en ai parlé en début d'émission, et j'avais dit qu'il y avait un mec qui avait un message aux femmes justement. Et ce mec lui prône le célibat. Avis ad vitam aeternam. Et alors écoutez, c'est un grand philosophe. Très grand philosophe. Il y a la vidéo d'ailleurs, parce qu'il a quand même une belle tête de champion du monde. Il y a la vidéo qui est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Alors écoutez. Ah, attendez, je vais vous le mettre. Hop. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour vous résumer rapidement ma situation avec les filles. Voilà. Donc actuellement je suis vierge, j'ai 22 ans, mais franchement je compte pas y remédier. J'ai envie de rester vierge toute ma vie. Tout simplement parce que les femmes modernes me dégoûtent. Elles pensent qu'à une seule chose, le fric, le statut social et la grosse bite. C'est bien joli tout ça, mais une fois que tu l'as, est-ce que c'est garanti que les femmes restent fidèles? Eh ben non, elles vous feront cocu dès qu'elles trouveront encore mieux que vous. Alors moi, tout ça, ça m'intéresse pas, putain. Je suis pas insoumis, moi, ok? S'il y en a une seule qui me cocufie plus tard, je lui éclate sa gueule, putain. Je lui éclate sa gueule, d'accord? Donc voilà, je préfère rester vierge. Parce que franchement, plus tard, j'ai pas envie de faire de conneries. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est là, d'accord? Voilà, donc là, il a coupé après. Donc voilà, voilà la solution, peut-être, hein, non? Non, quand même pas. Ah, tu es... Bah, pourtant, moi, ça, moi, je trouvais que ça, c'était une bonne solution. Moi, je trouvais ça une bonne idée. Non, c'est plutôt évité quand même. Tu te prends trop la tête. Mais surtout, allez voir la vidéo parce que le mec, il a quand même une tête pas facile. Hein. Ah, il a une bonne tête. Hein. Ah, il a une tête de winner, de champion du monde. Elle est sur le Facebook. Allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Allez voir, donnez vos avis et puis on en parlera avec plaisir. T'as à dire, Sandro ? Non, je disais, tu sens quand il parle les nerfs qui montent dans sa voix. Tu sens qu'à mon avis, il a dû se faire avoir par une meuf et qu'il est en rage, quoi. Il a juste la rage, tout simplement. Bon, bah Yannick, bah tiens-nous au courant en tout cas. Hein. Essaye de voir avec la gogo danseuse ce que tu peux faire, etc., etc. Bon, bref. Si elle peut faire du pole dance avec sa bille. Et si tu peux faire du. Oui, exactement, c'est une idée. Et si jamais t'en veux pas, ben nous on veut venir prendre. Hein. Moi je prends, y a pas de soucis. Sans problème. D'accord, voilà. Pas de problème. Bon, salut à toi Yannick. Ciao, bonne soirée. À bientôt. Les filles, Sandy et Morgane, vous avez encore un truc à ajouter? Non, pas du tout. D'accord, et ben je vous fais des gros bisous. Ça marche, bisous à toute l'équipe. À bientôt, salut à vous, ciao à vous les filles. On aura David dans un instant pour parler des positions sexuelles préférées. David de Bruxelles qui est avec nous là, on a perdu moi-même en attendant de Bruxelles aussi. Salut David. Ouais, salut Eric. Comment ça va? Bien, ça va. Bon, très bien. Alors reste avec nous, on va parler des positions sexuelles préférées. On va encore faire des appels avec Tof dans un instant. Il y a Adeline qui dit il faut qu'il se jette à l'eau, celui qui ne tente rien à rien, c'est vrai. Mathieu qui dit sodomie du matin, repos du vagin, fellation du soir, repos des mâchoires. Et Charles-Henri qui dit Tof le terrible, mort de rire. Et si Tof appelait Jean-Pierre Sauzère pour lui demander sa position préférée. Je pense qu'il peut mal le vivre. Oui, je pense que ça peut vite être catastrophique. Par contre, on n'a plus de nouvelles de Gilou depuis Noël. Là. Ouais, on va bien essayer d'avoir, de l'appeler. Je vais essayer de l'appeler. Hein. Bah ouais, on serait bien d'avoir des nouvelles de Gilou pour lui demander sa position sexuelle préférée là. Je te sucerai les seins, tu verras. Toms qui dit vous êtes les meilleurs, qu'est-ce qu'on ferait si vous n'étiez pas là? Eh ben je sais pas Toms, peut-être que vous vous ferez chier, c'est possible, hein? Oui. Vous devriez écouter peut-être de mauvaises émissions ailleurs, je ne sais pas. Oui, ou peut-être il y aura des vagues de suicides. Bah peut-être, ouais, les mecs ils se la ramènent pas du tout là. Tiens. On dit que les mecs sont des connards, mais la nouvelle génération de filles est pire. Il y a que des salopes maintenant, c'est Ada. Mais non, Ada. Ça tant va. Mieux, tant mais mieux. Non, non, il y a des filles bien. Il y a c'est ma mère. Ça. Ouais, oui. Alexandra aussi qui dit la levrette mais debout, je sais plus le nom. Moi sur une petite marche et lui plus bas. Et Antoine qui dit j'ai une question. Est-ce que Tof est à poil dans le studio? Ça ne m'étonnerait pas. Non, oui. Alors il voulait, mais on lui a interdit. Hein, ouais, je suis vraiment déçu. Ouais, je sais, mais c'est mieux pour tout le monde en fin de compte. Bon, David, reste avec nous pour parler des positions sexuelles préférées. Continuez à nous appeler d'ailleurs si vous en avez. On en parle maintenant et puis je vous donnerai le top 5 des positions préférées des mecs dans quelques minutes. Les 5 premiers, on a déjà donné les 5 derniers sur le top 10 plutôt. Et on cherche aussi l'avis des filles. Quelles sont vos positions sexuelles préférées, mesdemoiselles, pour voir si ça coïncide avec les mecs. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Avec le hashtag Mikael également sur le Twitter, sur le Facebook également, vous donnez vos réponses, enfin vos messages maintenant. Je vais mettre un petit post tiens, pour vous demander vos positions sexuelles préférées. Tiens, on lira tous les messages sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Je mets le post dans quelques instants. Et puis aussi, dernière ligne droite pour choper les 200 euros avec Anis dans quelques minutes, avec la colle. Donc, la souris mange le fromage, le chat mange la souris. Que reste-t-il ou qui reste-t-il? Voilà, on donne la réponse dans quelques minutes. Je vous souhaite bonne chance. Toutes les réponses sur le Facebook notamment aussi, facebook.com/mikaelofficiel. Allez, au cœur de la nuit sans pub, maintenant sur Fun Radio. On s'écoute Jason Derulo tout de suite. C'est Marry Me sur Fun. Bonne nuit tout le monde. 105 is the number that comes to my head. Planeto. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec Marry Me, il est minuit et Let's Be Freaks qui envoie son message confirme toutes des salopes les filles de jour. Pourtant c'est une fille hein. Il y a Miku qui a envoyé un message sur l'application. Oui c'est vrai que vous pouvez envoyer vos messages aussi sur l'application Mikael No Limit qui est gratuite hein. Vous pouvez la télécharger sur iTunes, elle est compatible avec l'iPad, avec l'iPhone, avec l'iPod également. Et rassurez-vous également, ça devrait suivre sur Android et sur tout le reste. Il y a Miku qui dit donc moi je kiffe le 69 et en faisant un cunnilingus je fais une pénétration anale avec mes doigts. pourquoi ah bah, pas. Bravo. Ouais, pourquoi c'est sympa. Mais oui. Et alors, le prince Yagi, ça me fait trop plaisir de voir Mickaël en top tweet. Ah bah merci, le prince Nadia. Mais merci à vous, surtout à nous, on n'y peut rien. Le prince Nadia encore qu'il y a, oui, il faut une gogo danseuse, qu'une gogo danseuse vienne faire une démonstration en direct dans les studios. Moi, je suis d'accord. Et Let's Be Freaks, il dit Marry Me Tough. Avec plaisir. Ah bah voilà, oh, ça y est, il a accepté. C'est juste pour l'héritage, c'est après bah, c'est ça. Je prends Léo, une assurance vie et après c'est je ça, c'est ça. Et Léo aussi qui dit l'équipe, bonne année, je voulais savoir comment on peut voir si une fille est amoureuse du garçon. Alors Léo, c'est compliqué, ça dépend, il y a plein de trucs. Avec les meufs, c'est toujours compliqué. Hein, parce que quand tu vois que c'est totalement open, en fait, c'est que c'est mort. Et quand tu vois que c'est mort, tu te dis quand même qu'il y a peut-être une chance au final, tu vois. Faut voir. C'est jamais, ouais. Voilà. Et alors Silly qui dit, vous maltraitez mon petit off, si vous le faites, je le saurai. Oh bah on le fait, alors t'inquiète pas. Oh là, maltraite, c'est sale. Regarde, là. Tu vois. Ferme ta gueule. Du con. Oh, bande d'abrutis. Tout ça, c'était pour Toff. Oh, c'est trop gentil. Voilà. Tout cet amour me va droit au cul. Voilà. Ce gros connard va te faire enculer. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. J'ai oublié celui-là. C'était un petit. On peut pas remettre le corse vite fait. Va voir ta grosse le mère. Quoi, le Fouriani. Il est dans un champ de bite. J'adore. Le full bon, corse. Hein. Ouais, le full corse. Attends, il faut que je le retrouve celui-là. Allez, y là, tiens. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriani. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Et je rappelle que ce moment qui fait 17 secondes n'a pas été remonté. C'est-à-dire que toi, ça n'arrivait juste pas en placer une. Ah non, il était parfait lui. Hein. Voilà. Et puis tant qu'on est dedans aussi, on va se faire un petit revival avec notre ami Carolo. Ta gueule, connard. Alors, attendez, gueule. Je vous l'arrête parce que il y a des moments où vous allez entendre que toi il fait. Ça n'est pas remonté. Il essaye de parler, mais il n'arrive pas et ce n'est pas remonté non plus. C'est arrivé comme tel. Ta gueule, connard. Oui, ta gueule, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. C'est ta mère qui a un grand clitoriste. Elle t'a mis au monde avec un clitoriste sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Voilà, tout ça c'était gratuit, bien entendu. C'était à faire pas. Passagedesir.fr. Merci à passagedesir.fr bien sûr. Bon, avant de récupérer Julien qui nous appelle de Lyon, avant de prendre Déborah et David pour parler des positions sexuelles, vous êtes là tous les deux? Oui, attendez, parce que c'est moi qui fais de la merde encore. Déborah et David, on va parler des positions sexuelles. Vous avez 5 minutes, 10 même? Oui, même tout à l'heure. Ouais, pas trop. Très bien, parfait. Déborah et David, ne bougez pas. On va donner également la réponse à la call de Anis. On va faire ça maintenant et on fera le canular juste après. Canular avec Benjamin et donc notre ami Anis qui est avec nous. Anis, on va donner la réponse maintenant. Alors peut-être que tu vas repartir avec 200 €. On va donc te tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrit par SMS ou via le Facebook. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la réponse, il gagne, tu perds. Si il ne donne pas la réponse ou que, enfin, qu'il ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, d'accord? Ouais. Bon, enfin, vu le level de la colle, s'il donne pas la bonne réponse, c'est quand même un con, hein, ouais. Si je peux me permettre. On sait jamais. Donc ta seule chance, c'est que ça ne décroche pas. Donc on y va, on appelle. Ouais. Dis-toi en gros que dès que ça décroche, c'est mort. Autant. Je sais très bien. Voilà. Non, mais autant pas faire de film. Allez, on y va. Allez, reste 4-5. Ah bon. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Mais c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, comment tu t'appelles? C'est Mathieu. C'est Mathieu, ah bah salut Mathieu. Bon, salut. Mathieu, il y a Anis qui a une colle à te poser, alors vas-y toujours, hein. On fait ça, c'est vraiment pour... C'est pour la pour forme. La forme. C'est, voilà, c'est pour la forme. Ouais. Alors vas-y Anis, pour Mathieu. Donc, la souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il? Bah je pense que c'est chat. Le chat. Eh ben voilà! Ouais. Eh ben voilà! Le chat évidemment! C'est le... minou! Mais oui, il est minou, là, minou! Eh, 200 € dis donc! Hein. Ah, c'est parfait! Eh ben voilà, 200 € pour toi, tu vas pouvoir aller faire les courses pour les soldes, bref, c'est n'importe quoi. Tu vas faire quoi avec ça, Mathieu? Les soldes. Bah voilà, c'est une bonne idée, bah, très bien. Eh bah Mathieu, reste au standard, on va t'envoyer le chèque là, rapidos. T'auras ça dans les jours à venir, Mathieu. Ah bah c'est parfait. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Allez, ciao Mathieu. Et Anis, bah fallait s'y attendre avec une colle pareille. Hein. Ouais, fallait s'y attendre. Bon, eh bah écoute, tu reviens quand tu veux quand même, d'accord? Ouais, pas de soucis. Salut Anis. Je perds, c'est tout. Bon bah très bien. Ah c'est la troisième fois. Bah il est parfait. Bon bah non, salut Anis. Deuxième. Ah deuxième, enfin c'est déjà pas mal. Salut Anis.

Oui. Je m'appelle pas Tom en fait. Non. Voilà, je m'appelle Mickaël, mais ça change pas grand chose. Hein. Ah ouais. J'osais pas vous donner mon prénom quoi. Oui. Voilà. Maman. Quoi? Alors je t'explique, en fait t'es, je suis au téléphone là et en fait je suis en double appel avec Fun Radio, tu viens de passer sur Fun Radio. Oh, oh ça va. Bon, on peut quand même venir faire... Est-ce qu'on peut venir faire l'émission en direct de chez vous, du coup? Dans la cave. Dans la cave, ça peut être pas mal. Merci. Bon, maman. Oh. Eh ben, vous savez quoi? Eh, tu sais quoi, Benjamin? Oui. Benjamin, je vais pas filer le téléphone à... Je vais pas te le filer, le téléphone, je vais le filer à ta mère. Mais non. Ah, si. Ah, bah, si. Si, si, si, si. Est-ce que... Est-ce que maman a un téléphone? Oui, maman, elle a un téléphone. Ouais, mais... Quoi, mais quoi moi, comme en... téléphone? Maman, non, vous avez quoi comme téléphone, belle maman? J'ai... Samsung Wave 3. Un quoi? Samsung Wave 3. Un Samsung Wave 3? Bon, on va filer le... l'Arcos 45 Platinum, vous allez voir, il est mieux. Mais non. Eh, non, si, mais si. Non, mais écoute. Non, si, mais si, attends, si, si, attends. On va le filer à maman. Alors, le téléphone. Mais non, bien non, joué, bien joué, parce que... Désolé, maman. Bah, écoute... Enfin, je vous assure, j'ai rien contre, hein, je suis pas... Non, non, bah non, mais... c'était juste un problème contre moi, quoi, on a compris. Voilà. Mais c'est toi qu'elle n'aime pas. Ouais, non, voilà, ouais. Pas du tout, mais enfin... Je préférerais qu'on fils sort avec un mec plus beau. Voilà, c'était physique, c'était physique. Bon, ouais, Benjamin. Ouais, le truc, en fait, c'est que ça m'aurait bien arrangé le téléphone, parce que j'ai perdu le lien dans le train, et du coup, j'ai un vieux téléphone de merde, donc... Eh ben, tu t'arrangeras avec ta mère, puisque c'est elle qui l'a maintenant, le téléphone. Mais surtout, quand tu vas rentrer, tu vas prendre cher. Parce que t'as collé les boules à ta mère. C'est clair. Sinon, comme le téléphone, il gère deux sims, après, vous partagez. Hein, ah oui, oui, c'est chacun vrai. Chacun une demi-journée. Ça peut être une idée, ouais, attends, ça peut être une idée. Attends, ouais. Maman, j'ai un truc à te dire aussi. Oui, oui. Je suis pas chez Tom, je suis chez Coco et Nat. Oui, des voisins, donc, a priori. Bon, on va vous remettre aux antennes. Vous allez prendre Sandro, on va prendre les coordonnées de Karine, hein, du coup, hein, parce que c'est elle qui gagne le smartphone. Ouais, bonsoir à tous. Et ben voilà. Et ben bonsoir à toi, Karine. Bon, ben bonne soirée à vous. Merci, et Benjamin. Bonne année à tous. Et ben bonne année aussi, ouais. À bientôt, hein, tous les deux. Salut. Non, bah toi tu restes là, on va te prendre aux antennes, d'accord? Ah bon, d'accord. Allez, salut Benji. Salut. Voilà, et si vous voulez aussi faire votre canular, on fait ça jeudi prochain, on remettra le couvert. Eh bien, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a le prince Nadia qui a envoyé un message. Grand cœur, Mickaël offre le téléphone à Karen, la mère. Mais oui. Oui, t'as c'est vu, beau, la grande Mickaël, classe. Même beau. Si après, elle va leur fourguer à son fils, à mon avis. Sarah aussi qui dit mort de rire, le père lui est plié de rire et la mère, elle devient complètement ouf. Le prince Nadia qui dit Mickaël en top 8 devant Hollande. Moi, j'ai envie de dire Mickaël président. Ah bah, je peux vous dire qu'il vaut mieux pas parce que vous allez voir que ça va pas marcher comme ça marche maintenant. Hey, ça va, il va la défense. Ah mec. Non, premier ministre. Et Toff, ministre du culture. Du cul, ouais. Du ouais. culture, voilà, c'est peut-être une idée ça. Et Sandro, ministre de la bouffe. Ouais. Gastronomie et, voilà, et tourisme. Ministre des sports. Ah bah oui, des sports, évidemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Magda qui dit le papa est mort de rire. Snorky 55, la zen attitude des parents. Mais elle raccroche quand même au nez, la daronne. Oui, c'est vrai, c'était pas cool. Stéphanini, il y a peut-être une croix dans la cave de beau papa, c'est vrai. Et message pour Toff. Toff, si tu te réveilles avec 4 testicules, ne te prends pas pour Hercule, c'est quelqu'un qui t'encule. Voilà. Tout ça voilà. Est mignon, beau, classe. Voilà. J'adore. HZ qui dit ce canular, c'est du très lourd. Et Mickaël dans le rôle de Tom, j'adore. Oui, on a dû changer un petit peu là, mais c'est pas grave. Bon, allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio, 23h, 2h sur Fun du lundi au jeudi. Puis le dimanche également, en live de 20h à minuit. Car oui, vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter le soir. Alors, mais oui, vous étiez abandonné avant, il n'y avait rien. Bah maintenant, il y a enfin quelque chose. Après, vous aimez ou vous aimez pas, c'est un truc. Mais on va s'écouter le son. Mais au moins, on est là, effectivement. On est avec vous d'ailleurs pour le soir de Noël. On avait fait les échanges de cadeaux, on a reçu les cadeaux des auditeurs. Hein, donc on va leur envoyer leur PC portable comme promis. Et puis on va se faire le son d'Eminem et Rihanna maintenant sur Fun Radio. C'est de Monster. On revient juste après avec Déborah, avec David pour parler des positions sexuelles préférées. J'ai mis un post également sur le Facebook avec les positions sexuelles préférées. Quelles étaient vos positions sexuelles préférées, les filles? Donnez-nous vos avis maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. Vous balancez tous vos messages. Je lis les messages également d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi comme message? Vous êtes chaud là pour les positions sexuelles préférées. Mélanie qui dit la position du cul tourné. Ça veut dire qu'il tente une approche et là je me tourne dos à lui et je lui dis bonne nuit. C'est beau ça. J'adore. Elle est pas mal la position du cul tourné. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez, Mine et Mariana, c'est de Monster sur Fun. Bonne nuit. son d'Eminem à l'instant sur Fun Radio avec The Monster. Dans la joie, oui, la bonne humeur, évidemment. Et le respect du Seigneur. Tout ça, évidemment, offert par Passage du plaisir.fr. Voilà. Il y a Johan qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes qui dit: Mickaël, si je t'envoie une GoPro 2, tu m'envoies la 3. Donc tu peux m'envoyer la 2, tu verras. Surprise. Envoie-moi la 2. Tu m'envoies la GoPro 2, hein, Mickaël, au Fun Radio, Mickaël No Limit, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Et puis bah tu verras, Johan. Logan aussi qui dit vous êtes super. Il y a Let's Be Freaks qui dit ministre de la défense pour Toff, c'est vrai. Warren qui dit Toff président des cons. Et alors Lilou qui dit moi celle-là me déclenche la fontaine à coup sûr. Ça peut surprendre. Ah ouais, donc c'est le mec qui est à quatre pattes, donc tout droit, hein. Voilà, enfin il est pas quatre pattes, il est sur les genoux plutôt. Et la fille qui a le cul un peu en l'air, qui se fait pénétrer mais qui se tient sur les épaules. Ouais, c'est, ça fait une espèce. La meuf, elle est, en fait, le mec, il est à genoux et elle est en arc. J'ai bien expliqué ça. Ouais, mais c'est pas très clair. Ah, attends, mais il faut qu'elle soit souple, la meuf, hein. Bah, il faut qu'elle soit un peu souple. Qui peut se cambrer non, comme c'est ça. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pénétrer par le membre, tu vois. Ouais, le membre surgissant. Il faut que le mec ait de la force dans les bras. Ah, aussi, ouais. Donc, ce que Toff peut pas faire. Non, moi, je peux pas. C'est pas possible. En deux allers-retours, je la repose, quoi. Ah, bah, tu m'étonnes. Il faut arrêter ça directement. Bon, allez, retour avec Déborah dans quelques minutes qui voulait nous parler des positions sexuelles préférées. David également. Et on va d'abord appeler quelques personnes, hein. C'est vrai qu'on en a fait qu'une seule là encore pour l'instant. On fait des appels pour savoir quelles sont les positions préférées des Français, Belges, des filles en règle générale. Oui, les filles, parce qu'on a déjà le classement des mecs justement. Allez, c'est parti, on y va. Et on fera les teubés de la télé juste après. Et puis Déborah, David et Julien à suivre également. Bougez pas. Allez, voilà. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais connaître la position sexuelle préférée de votre femme. Mais t'es un connard ou quoi, toi ? Mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça ? Mais je sais pas, t'as vu l'heure qu'il est, t'as un problème ou quoi ? Bah non, je veux juste connaître la position sexuelle préférée de votre femme. Va te faire mettre, connard. Mais enfin, monsieur... Non, va te faire mettre, connard, je pense qu'il a tout dit, hein. Bon, on rappelle... C'était tout en sympathie. Tout, bah, totalement, bon, on y va, on rappelle. Allez, c'est parti. Va te faire mettre, connard. Va-t-il parler de ta mère ? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Allez. Genre il est à 15 km là. Oui monsieur, c'est pas très gentil ce que vous venez de me dire. Non mais dis-moi, si t'as des couilles, tu me dis qui tu es, je viens te voir. Bah je m'appelle Toff monsieur. Ben alors va te faire foutre Toff. Mais enfin pourquoi vous dites ça monsieur ? Oh, il est quand même resté soft, hein. Il est quand même resté soft. Moi je trouve qu'on arrive quand même difficilement à arriver à ça, hein. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Ah, celui-là était quand même est resté dans les annales. Bon allez, David est avec nous. David est avec nous de Bruxelles là, qui voulait parler des positions sexuelles préférées. Ça tombe bien, on est en plein dedans. On avait fait jusqu'à la sixième étant la fellation pour les mecs, hein. En numéro j'ai perdu. Attends, merde, j'ai perdu ma feuille. Alors attendez, il est où le numéro ? En numéro 10, non, qui m'a piqué ma fiche ? Ouais, le numéro 10, ah non, c'est sur ma feuille. Numéro 7, c'était la cuillère. Hein. Ah bah, c'est en gros, c'est tout. Hein. Numéro 8, le missionnaire. Numéro 9, les ciseaux. Numéro 10, la sodomie. Voilà, c'est ça. Donc en 6, il y avait la fellation. Et alors en 5, il y avait le lotus. C'est apparemment assez différent des autres puisque vous allez tous les deux être assis. Donc ça, c'était ce dont on avait parlé tout à l'heure. Les jambes croisées, quoi. Ça, c'est compliqué à mettre en place. J'ai essayé une fois, je me suis fait mal. Sur le côté gauche du sexe. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, c'est quoi, David, ta position préférée ? Moi c'est 69. Ah t'as mis 69 toi. Mais vraiment attends, faut que je t'explique, hein. Explique. Donc si tu veux, la meuf elle fait 69 mais ma bite entre ses seins. Ah c'est... Ah oui. Ah mais c'est pas 69, alors comment ça s'appelle? C'est la cravate de notaire. Non. Non, c'est le 69 espagnol. Non, c'est la cravate de notaire. Si c'est avec le yonf, mais... Dans la cravate. Mais tu laisses la cravate de côté, hein, tu prends le papillon. Non mais la cravate de notaire, il y a pas un changement de tu bouffes pas la chatte. Ah non, la cravate de notaire c'est quand tu te fais sucer en même temps. Non, ça passe, lui c'est une variante lui du 69. La cravate de notaire, il y a pas de suçage, hein. Oui, mais lui c'est ça, lui il y a un suçage, lui, mais écoutez les professionnels. Une variante. Les mauvais, ouais, parce que l'avocat qui sait ce qu'il raconte. La cravate de notaire, c'est la meuf, c'est le missionnaire espagnol. La cravate de notaire, la meuf, elle te lèche les boules et toi tu te branles dans ses seins. Oui, voilà. Et ben, c'est pas la cravate de notaire puisque lui fait un 69 mais avec la bite au milieu de ses seins. Bah ouais. Et bah oui, donc c'est une cravate de notaire et il lui bouffe la chatte en même temps. C'est pas ça, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Écoute-moi, espèce de petit con. Voilà, tu as totalement tort. Espèce de gros connard, va te faire enculer. Voilà, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Je pense qu'on peut même terminer par. Ferme ta gueule. Du con. Voilà. Bon, alors, du coup, David, donc toi c'est ça que tu kiffes ? franchement, après, c'est magnifique. Bah, j'imagine. Après, si on n'a pas de nom, c'est pas non plus très grave. Il y a Déborah également qui est avec nous de Reims. Salut Déborah. Salut. Comment ça va? Salut. Ouais. On a vous invité entre autres à venir à Reims parce qu'on va faire une émission en direct de chez vous. Mais quand on dit de chez vous, c'est de chez vous à la maison directement. Et donc il y a des auditeurs notamment à Reims qui nous ont dit venez à Reims, vous êtes jamais venus, ouais, etc., etc. Donc on a même une petite bouteille de champagne. Mais oui, on va les noyer dans le champagne. J'ai cru que t'avais proposé autre chose, Déborah. Moi je veux bien la pipe. On y va alors. La pipe. Moi je veux bien la cravate de la terre. Sur mes seins. Oh putain, mais je viens. Je vais mettre du champagne, on va tout mettre. Déborah, combien mesures-tu? Ouais, bah ça faisait longtemps, tiens. 1m69. Ah, c'est ma taille préférée. Combien pèses-tu? Ouais, moi aussi. 60. Quel est ton tour de poitrine? 95 D comme Denis. Ah, D comme des énormes seins. Ouais. Et la taille de pantalon que tu as acheté? 38. Oh oui. Là. Ce n'est pas Tof qui valide le fait qu'on aille dans telle ou telle ville. Ah bon? Dieu merci. Non, je confirme. Ah merde, je croyais que je choisissais sur photo. Non, c'est pas toi qui choisis, certainement pas sur photo. Donc je sais pas. C'est vrai que l'invitation est alléchante, Déborah. On tu va dis mettre le feu, non? Oui, bah nous on va plus. Et nous on va l'éteindre. D'accord. Enfin, non, mais on doit essayer l'éteindre. Moi je lécherai le champagne. Voilà, mais non, mais tu sais pas faire, Tof, terminable. Bon, moi je vais te démonter. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a mis un post sur le Facebook pour savoir dans quelle ville on devait venir. Qui a envie de nous accueillir? Parce qu'on va venir faire l'émission en direct de chez vous, donc dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, enfin peu importe. Eh ben moi je vous accueille toute l'équipe chez moi. Oh, c'est avec gentil, plaisir. Déborah, c'est gentil. Bah, il y en a plein qui ont proposé. Même à manger et tout. Ah bon? Ah bah alors. Tu fais quoi à manger? Ce que vous voulez. Des pâtes? Super. Non, donc, ça c'est les mecs qui cuisinent les pâtes. Ouais, donc, et encore. On va plus loin quand même. Plus élaboré, d'accord, ok, très bien. Voilà. Bon, bah donc du coup, dites-nous si vous voulez qu'on vienne chez vous, si dans quelle ville vous vous trouvez, dites-le nous sur Facebook, facebook.com/MIKL officiel, et lâchez vos messages aussi avec le hashtag MIKL sur Twitter, et pour m'ajouter, bah, vous tapez MIKL_officiel, c'est le petit tiret en bas, et puis bah dites-nous dans quelle ville vous voulez qu'on vienne la prochaine fois, on fera un autre tour, hein, vous inquiétez pas, hein. Et donc ça, on fera début février, on passera chez vous, on fera l'émission en direct de chez vous, et rassurez-vous, on va pas tout démonter, hein, on n'est pas la télé, on va pas arriver avec 150 000 matos. Non. On va juste arriver. Il faut juste un frigo bien rempli pour Sandro. Oui, c'est important. Très important. Et voilà, toi viendra avec les sextoys offerts par passagedesir.fr. Voilà, donc il viendra tout. Nous pourrons tester en direct. Voilà, une croix serait un plus. Ouais. Et si vous avez une croix, évidemment, vous marquez des points pour qu'on vienne chez vous. Hein. Donc facebook.com, on vous attend. facebook.com/MIKL officiel. Bon, alors, Déborah, quelle est ta position sexuelle préférée, toi? J'en ai deux, moi. Ah, c'est quoi? Bah, donne la première déjà. Fais-moi rêver. Alors pour commencer, c'est moi qui monte sur le jeune homme. Ouais. Donc lui est couché. Pardon ? Lui est couché. Lui il est couché, je lui prends les mains au-dessus de la tête et c'est moi qui travaille en fait. Oh. Ah ouais, c'est pas mal. Comment s'appelle ça ? La salope, je suis très mauvais. Non, c'est l'Amazon. Ouais, l'Amazon, l'Andromaque. L'Andromaque, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est pas mal du tout. Et la deuxième ? Et ben en général, il aime bien finir par une bonne levrette, mais les fesses bien cambrées, bien dans l'air, tu vois. Ouais, genre toi tu mets la tête dans l'oreiller quoi. Ah là là, attends, Polo, parce qu'on a mal entendu ce que Polo a dit. Ah pardon. C'est quoi? Non mais t'as dit un truc mais j'ai pas entendu le son sans ta bouche. En fait Tof m'a dit dis-le parce qu'il a honte, il a peur de se faire. Non mais il a attends, peur du sous-chef. Qu'est-ce qu'il a dit? Salope. Je la baiserais bien cette grosse salope, mais parce que Tof a dit j'ai peur du sous-chef, il va m'agresser, donc moi je le dis parce que j'en ai rien à foutre. Oui, voilà. Et moi je te tire les cheveux en même temps. Oui bien sûr, parce et que je te souille. Avec la petite fée, c'est bien sûr. Mais bien sûr, entendu. Mais deux même. Mais deux, oh même trois. Voilà. Et il te fait un cuni. Et je te. Ah non pas ça. Et je m'essuie dans tes cheveux. Voilà, c'est ça le plus important pour Polo. Hein. Ça faisait longtemps. C'est que les cheveux longs. Voilà, c'est ça faisait longtemps, ouais. Sinon, alors pour en revenir au truc, il y a en 5, donc c'est l'Androma qu'on en parlait. Donc c'est la position qui met le plus la fille à l'honneur, donc elle est assise sur le mec alors que le mec est couché, on vient d'en parler. En 3, il y a l'enclume ou la bascule, donc c'est allongé sur le dos. Vous pouvez vous poser vos pieds sur les épaules du mec. Oui. Voilà. Le 69 en numéro 2, mais c'est naze. C'est naze. C'est pourri. Oh, moi j'aime bien. Ah non, 69 c'est trop bon. Ah, moi j'aime pas du tout, moi j'aime pas me faire sucer à l'envers. Ça fait c'est que les barres. Hein, ouais, ça fait que les barres. T'as qu'à mettre la meuf au-dessus. Non, mais pas à l'envers dans le sens où être au-dessus ou en dessous. Mais non, la bite bien droite, c'est meilleur quand même. Non mais en fait, je t'explique. Non mais, quand... mais toi, donne-moi. Hey, appelle polo at fanradio.fr. Non mais, non, mais quand je dis photo. Polo, tu veux une démo d'une gogo, c'est ça, dans les locaux de Fan Radio, je peux venir. Eh ben viens, viens. Bah, viens. Mais on viens. Attends, nous, on est bouillants là. Voilà, bon, t'es à Reims, il reste 1h20, on peut faire du rad. Moi, je suis intéressé aussi, Déborah. Non, toi, tu restes chez toi, toi. Oh bah t'as qu'à venir, aussi, David. T'offres direct, hein, ça. Non mais, je disais. Il a coupé le micro, et Sandra reprend l'après. T'inquiète pas, toi, c'est bon. Oh, Josiane la balance là. Alors que moi, je faisais ça juste pour Polo. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est, je sais que Polo est fan de ça et que c'est ça lui ferait vraiment plaisir. On met la barre de pool dance. Toff achète la balle de il achètera la barre de pool dance. Ah ouais, bah là, je viens doublement. Bah d'accord, mais la barre sera là. Il sait même plus comment parler. Dès lundi, la barre sera là. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc le deuxième, c'est donc le 69. Ah oui, mais donc comme je disais en fait que j'aimais pas me faire sucer à l'envers, c'est pas le fait d'être au-dessus ou en dessous. C'est qu'à un moment, quand tu te fais sucer par une œuf à l'endroit, comme j'appelle ça, c'est que t'as. Le moule est différent. Plus adapté. Voilà, c'est un peu comme tu fais une comme tu cuisines à gâteau. Tu vois, j'adore ça, c'est le moule. Référence. Si tu mets le moule à l'envers, bah forcément le gâteau il a pas la même gueule. Tu vois, bah c'est pareil. Mais Michael, tu vois quand tu fais 69. Ouais. Bah si à ma manière, si maintenant tu mets ta bite entre ses seins, c'est encore meilleur. Tu ressens encore plus de plaisir encore. Oui, non, mais d'accord, mais après, bon, déjà, c'est sous réserve que la meuf ait une poitrine adéquate. Mais oui, parce que. Ouais, comme Déborah. Ouais, non, bah, bien sûr, elle a du D, donc forcément, je te confirme que c'est adéquate. Mais après, il voilà. Y a des filles qui ont du A, et là, évidemment, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un peu plus dur. Ouais. Ah, bah, non, c'est pas dur, c'est pas possible du tout. Et donc, attention, mesdames et messieurs, quelle est la position préférée des mecs, la number one? La levrette. Levrette. Ah, attention, on verra. Le vrai. On verra. Alors attention, le roulement de tambour, le suspense est à son comble. Tout le monde dans le studio n'attend que ça, cette réponse. Je me demande bien ce que c'est. Le stagiaire est en train de se branler en imaginant que c'est la levrette. Il est là. Oh. Ah, le stagiaire est en forme. Ah, il est totalement en forme. Oh, il on a même pas appelé Gilou. Bah oui, attends. Oh, le stagiaire. Il me fait manger. Oh, ouais, il est là. Oh, j'aime le sperme. Et donc, la position préférée, c'est... Bah oui, après tu prends le manche en main et puis tu guides. Non, c'est pas ça, Gilou. C'est la levrette, effectivement, donc facile à réaliser, permet une pénétration profonde, qui doit être faite en douceur au début pour ne pas risquer que tu ressentes une douleur. Faut dire, que Michael, que la levrette, il y a beaucoup de monde qui termine par ça aussi. Oui, bah c'est ça, mais c'est parce que c'est une des positions où t'arrives le plus vite aussi. T'arrives le plus vite à la fin, donc forcément, il vaut mieux terminer par ça que de commencer. La femme, elle a plus de plaisir aussi, tu vois. Donc mais ça aussi, parce qu'elle voit pas la gueule de Toff, en fait, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça qu'elle préfère la levrette, parce qu'au moins, comme ça, elle voit ce qu'il y a devant. Elle peut s'imaginer un autre mec. Ah, il y a Brad Pitt, alors qu'en fait, c'est Brad Pitt qui est derrière. Elle a son iPhone comme ça. Et elle regarde un mec, un beau gosse et tout, elle dit vas-y vite. Mais je vais venir avec ma petite bite crochet. Généralement je préfère leur mettre un film debout là comme ça. C'est mieux. Elles ont l'excitation, elles fantasment, elles moulent bien et ça glisse mieux quoi. Mais oui bien sûr. Est-ce que tu pourras comment la position qui disait De quoi La position Andromax, c'est comment encore tu disais? Eh ben c'est en fait c'est la meuf, le mec qui est couché sur le dos et t'as la fille qui est au-dessus en fait sur lui. Qui a genoux et qui bouge le cul quoi. Et la fille qui est on va dire de dos. Elle a la même position mais la fille de dos. Comment ouais. Tu peux comme ça le mec il a le boule en face de ses yeux en fait. Ouais voilà. Bien ça, le boutichèque. Ouais. Voilà. Mais après je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, mais bon, c'est bon aussi. Bah voilà, c'est ça le principal, c'est que ce soit bon. On s'en fout du nom au final. On s'en fout. On s'en fout du nom. Et attention, mesdames et messieurs. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque? Oh, mais plaît. Pas de barre. Nous avons Gilou avec nous. Gilou. Eh, comment ça va, Gilou? Oh, comme un jeune. Ah, bah tu nous avais manqué. Bonne année, mon Gilou. Bonne année à vous tous. Hein. Bonne année, Gilou. Bonne année, Gilou. À Noël, tu répondais pas, t'étais en famille. Bah, probablement. Ah, j'étais pas là, non. Ah, bah, il était pas là, bah voilà. Bah, maintenant, il est là, c'est le principal. Ah, ouais, bah, maintenant, je suis là. Ouais. Et bah, voilà. Et en plus, il y a Déborah, il est ravi de t'entendre, Gilou. C'est elle qui a demandé qu'on t'appelle. Ah, mon Gilou, tu m'as manqué. Hein. Ah, c'est pas vrai. On se reverra un jour. On se reverra. Tu l'as jamais vu, Gilou. Bah, oui, mais c'est ça. Ouais. Bah, hey, dis donc, hey, Gilou. Oui. Comment ça va depuis la dernière fois alors? Oh bah. Est-ce que t'as sucé des seins? Je te sucerai les seins et tout. Hein, Gilou? Ouais. Ah, et ben voilà, la bonne heure. Ah. Parfait. Parce que ça m'a coûté cher aussi. Ah bon, de quoi, de sucer des seins? Une fuite. Ah merde. Ah bah ouais, mais bon, après, parce que sinon... Il... Non. Ah la salope. Gilou, il y a des moins chers sur Internet. Hein. Ah bah ouais. Parce que sinon, il y a Déborah, elle, elle a du 90D, Gilou. Non, 95. 95, oh, pardon. Explosion. 1m69, 60 kilos, Gilou. Vas-y, Gilou, fais-toi plaisir, mon pote. Elle est là. Ah, bah, oui, bah, dis donc, elle est loin aussi, hein. Non, mais non, mais t'inquiète pas, elle peut venir, hein. T'es sur Paris, toi, Gilou? Ah, bah, Sergi, oui. Ah, bah, voilà, c'est pas loin. Parce attends, qu'en plus, elle est à Reims, elle est à côté. Reims, elle est pas loin. Je vais aller à Sonradio pour faire une démo de ah, oui. pour Polo. Non mais c'est bon, hein, on va t'avoir la barre la semaine prochaine. Donc il a déjà commandé sur internet, sur eBay. Eh hey, Gilou, fais-toi un kiff là, numérique. C'est ça. 230 euros la barre quand même. Ah quand même, hein, ça ouais. Pas donné. Ouais mais on va la louer. Hein. C'est mieux. Non mais oui, dis donc Gilou. Oui. Parce qu'en plus quand elle va venir à la radio, après elle peut faire un crochet chez toi. Ah bah si elle veut, oui. Ah bah oui. Bon c'est Déborah. Problème, hein. Tu vas oui, lui faire quoi, Gilou? Ah je sais pas, mais à vous je sais. Hein? Vas-y Gilou. Oh. Je te sucerai le sein. On parlait des positions sexuelles. C'est quoi ta position préférée, Gilou? Oh ben la préférée, moi tout ça, une bonne petite levrette, c'est bon. Hein oh, bah oui. Hein ah. Bah ouais. Hein. Bah ouais, c'est ça. En plus, elle adore. Elle Déborah, là, c'est sa position. Pour un baiser à la coque. Ah bah oui. C'est quoi le baiser à la coque, en fait? Ah ouais. C'est quoi, Gilou? Gilou? Merde, il est par... Il est où? Ah non, Gilou! Gilou! Non, mais il appelle avec un fixe, ça peut pas couper. Gilou! Il est passé sous un tunnel. Parce qu'on entendait la télé derrière. Bah oui, c'est bizarre. Attends, on va le rappeler, c'est pas grave. Bon, David, t'as encore un truc à ajouter, dis-moi? Bah non, sauf que. Dommage, avec Deborah, j'aurais bien aimé. Ah bah, eh ben, viens à la radio en même temps qu'elle, si tu veux, David. Bah, tu viens quand? Ah bah, je sais pas, tu viens quand, Déborah? Ben je sais pas, quand la semaine prochaine. Non, bah personne sait, c'est parfait. Ben, la semaine prochaine, après dites-moi un jour, je m'en fiche. Bah, nous, on va régler sur antenne. On va régler sur antenne. Voilà, c'est ça. En antenne ou pas? Bah écoute, si Déborah veut, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui filer ton numéro de téléphone ou ton mail et après elle t'appelle si elle veut. Ok, bah ça va. On fait comme ça, ça marche. Bon, salut David, salut Débo. Merci. Allez, gros bisous. On aura Julien dans quelques minutes. On va essayer de rappeler Gilou aussi si on arrive. Julien qui est avec nous de Lyon. Comment ça va, Julien? Bah, ça va bien et vous? Eh ben, ça va bien et toi? C'est quoi cette voix, dis-moi? Ah, c'est parce que je suis dans une pièce, ça résonne un peu. Ah, non, d'accord, ok. Ouais. Ah, ça résonne un peu. Faut acheter des meubles, hein, c'est vrai. Non, bon. Non, mais non, on est chez des gens, on fait des travaux. Ah, d'accord. Ok, ok. Bon, allez, c'est pas grave. Julien, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Ah, on va parler de mes péripéties nocturnes. Ah très bien, eh ben, le bouche, c'est spécial cul ce soir, c'est bien. Ah je suis un homme actif le jour et très actif la nuit. Mais t'as raison. Bon reste avec nous Julien, on va te reprendre dans quelques minutes. Restez tous là d'ailleurs, il est minuit 48, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a le bœuf ferré qui dit Gilou il s'en fout dès l'instant qu'il y a un trou et que ça pue. Oui c'est tout ça. Il y a Lucie aussi qui dit Lucie Phyllis, venez chez moi, Tulette, chocolaterie, simulateur F1, nougat, cave coopérative pour l'alcool. Oh montagne pour le ski et je prépare un petit plat perso. Aha, c'est bon, moi j'ai dit c'est validé. Ah, attends, c'est pas mal. Il y a Johan sur l'application et Mickaël No Limit sur disponible sur iTunes, ouais. iTunes comme dirait iTunes, oui. Comme dirait notre ami Jean-Pierre Sauzère. Toff une bonne levrette sur la croix. Ah bah oui, hein, surtout s'il se fait enculer par passagedesir.fr, mais c'est voilà. Très compliqué de faire une levrette sur la croix hein, bah, et encore plus de se faire enculer. Mais non. Faut toujours faire. Il y a l'ovule qui dit Gilou, le retour, venez chez moi, grande maison, piscine, creuset de et jacuzzi, champagne est offert. Ouais, ah ouais, l'ovule, c'est pas mal ça quand même. Ah bah ouais. Cool, Gilou à l'antenne, c'est Fred. Il y a Adeline qui dit j'espère pour une fois avoir la chance que vous veniez chez moi à Saint-Sulpice-des-Landes. Bah Adeline et pourquoi pas, et Warren aussi qui dit moi j'aime pas le 69 car le trou de balle de la meuf est dans le nez. Oui, effectivement, ça fait partie du fait que des trucs que je n'aime pas non plus, mais c'est surtout le fait d'être à l'envers. Et Christophe qui dit venez à Gap, il y aura un bon petit plat fait maison et on fera un gros bordel. Et après on peut aller au Cap ou pas? Voilà par exemple, mais c'est ça. Et Dédé qui dit la position préférée de Toff c'est d'être attaché sur une croix et de se faire sodomiser. Exactement Dédé, t'as tout compris mec. Bon allez on se fait, on est en retard hein, c'est pas grave. On va se faire les teubés de la télé dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Crewella maintenant sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. Crewella maintenant c'est Enjoy the Ride, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Ready to be free, enjoy the ride. Crewella sur Fun Radio avec Enjoy the Ride. Bon ben restez là hein, puisque je vous cale tout à l'heure le son de Pharrell Williams qui va débarquer sur Fun Radio. Je vous calerai aussi Stromae et puis Tony Junior. heure aussi, Twerk Content, ce sera avant 2h du mat sur Fun Radio. Si vous écoutez un son en particulier, vous demandez, vous n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et pour m'ajouter également, vous tapez Mickaël underscore officiel underscore, c'est le petit tiret en bas. Et si vous m'ajoutez, je vous suivrai évidemment avec grand plaisir. D'ailleurs, il y a un message qui est arrivé, j'aime pas le 69. Imagine, elle pète en même temps que tu l'allèches, merci l'odeur, ça m'étonne pas que te femme ça. Non mais Ada, c'est pas forcément ça le problème non plus. Les femmes, les meufs que tu fréquentes sont des grosses crasseuses parce que j'ai jamais vu ça. Une meuf qui pète dessus comme ça. C'est clair, mais tu fais pas ça. Il y a eu le pète pouf qui a assez. Oui, ça arrive. La première fois que ça t'arrive, c'est un peu surprenant. C'est un peu particulier, j'admets. T'es perturbé, t'as envie de rire ou de dire non, c'est bon, calme-toi, tu sais, comme un. Voilà, c'est ça, mais calme-toi, ouais. Tu vas bien, ça va passer. Sarah également qui a envoyé un message, le meilleur c'est Mickaël, mon chouchou d'amour, je comprends qu'il soit en top 8, c'est le meilleur. Bah merci Sarah, en même temps, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Brian qui dit depuis ce matin, je vous attends, et Anto qui dit, je pourrais avoir un message de bienvenue. Mickaël, s'il te plaît, bah écoute, avec grand plaisir. Calme ta gueule. Voilà. Et alors Quentin qui m'a envoyé un message tout à l'heure là, cet après-midi, j'ai regardé la fistinière, j'ai jamais autant rigolé avec la petite musique et le parc d'attraction. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le parc d'attraction, effectivement. Et la chapelle fistine. Et la chapelle fistine. Et Jordan qui dit se retrouver dans son lit et savourer Fun Radio avec l'équipe de Mickaël et démarrer avec Rewella. Que demande le peuple? Eh ben je ne sais pas. Que demande le peuple? Bah je ne sais pas. Tu veux vraiment qu'on le dise? Non, ça ira, je pense que c'est bon. Mais je pense que c'est que moi ça par contre. Avant de continuer à parler avec Julien, avant de récupérer Gilou également, eh bien nous allons partir sur le Dakar. On a un copilote qui devient complètement ouf parce que le pilote a décidé de faire n'importe quoi. À gauche, un peu, à gauche, Milico. Ah, il est complètement con, c'est les teubés de la télé hein. Alors sinon il y a aussi dans Cauchemar en cuisine, il y a Gordon Ramsay qui n'aime pas trop les plats qu'on vient de lui préparer et il le dit. Du gumbo. Wow. Alors là, on dirait que Chappie a chié dans mon gumbo. C'est comme une flaque de boue, c'est vraiment plein de flotte. C'est carrément dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse, voilà, et ça c'est bien. Et puis dans Maison à vendre, on vous a trouvé le couple du futur. Merde, j'ai perdu le couple du futur. Alors attendez, j'ai fait de la merde. Le couple du futur, où est-ce qu'il est le couple du futur? Ah bah voilà, hop là, ça y est. C'est le stagiaire ça qui m'a fait de la merde. Ouais. C'est seulement après un an de jeu qu'ils ont décidé de se croiser en chair et en os. On s'est rencontrés physiquement et puis une semaine après, on était ensemble quoi. Et puis quoi, deux, trois mois après, je t'ai demandé en mariage, ouais. Ouais, c'est ça ouais. Et à rencontre hors du commun, mariage hors du commun. Mais là, c'est la vidéo de notre mariage dans le jeu qui a eu lieu un an avant notre mariage en vrai. Putain, j'ai rien compris. Il m'a fatigué là. Ils sont vus avant, après, ils sont mariés ils d'abord. Ils sont rencontrés sur WoW, ouais. World of Warcraft. Ah oui, c'est ça, ouais. D'abord mariés sur WoW. Et après, ils sont mariés un an après dans la vraie vie. Voilà. Ah bah génial, bah super, tiens. Bon, on va parler encore des positions sexuelles préférées, hein, parce qu'on va faire d'autres appels avec Tof, bien entendu. Hein. Mais bien sûr, avec plaisir. Bah ouais, donc dites-nous les positions sexuelles, vos positions préférées, les filles, puisqu'on connaît déjà celles des mecs. Et donc, le numéro 1 chez les mecs, c'est la levrette. Le 69 en 2, je déteste ça, hein, pour ceux qui débarquent. Pareil. Le numéro 3, c'est l'enclume. L'andromaque en 4, le lotus en 5, la fellation en 6. Bah, mais c'est pas vraiment une position, c'est plutôt en préliminaire. En 7, les petites cuillères, le missionnaire en 8, les 6 ou en 9 et la sodomie en 10. Voilà, donc si vous avez des positions préférées, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On vous attend évidemment. On fait un petit appel, Tof, pour vérifier. Allons-y. Allez, voyons si on trouve les positions sexuelles préférées des filles. Puisque le top que je viens de vous dire, le top 10, c'est que pour les mecs. Hein, on cherche l'avis des filles maintenant. Allez, c'est parti, on y va, on appelle en espérant avoir de bonnes réponses. Espérons. Bah, je confirme. Allez, c'est parti. Bon, 1h du mat, ça va décrocher là. Ah. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la position sexuelle préférée de votre femme. Ma femme, elle a un gros vieil là. Je suis bien membré. Alors voilà, justement. Si vous voulez venir faire un essai, vous n'avez qu'à venir, je vous prends. Oui, mais j'ai pas compris monsieur. Ouais. Allez, au revoir. Portez-vous bien. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question monsieur. Ah non, il n'a pas répondu, hein. Je sais pas d'où. Si, il veut te baiser en fait, Tof. Oui, visiblement, oui. Je sais pas dans quelle dimension il est, mais. Écoute, on va le rappeler. Allez hop, c'est reparti. Retour chez ce monsieur charmant. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Alors, je vous écoute. Ben, je voulais connaître la position sexuelle préférée de votre femme. Ferme cuillère. Mais non, monsieur. Ah, si, visiblement, si. Bon, on le rappelle encore une fois. Bah oui, une petite dernière. Alors, qui répondrait directement oui ou merde et on s'est plié, mais non. Il faut faire du cinéma. Vous pouvez faire Allô, j'écoute. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître votre position sexuelle préférée. Oh, tu vous faites chier. Ben, enfin madame. Ah ben ça le mérite d'être clair hein, pour le coup hein. Très clair. Vous faites chier. Bon ben on en fera d'autres tout à l'heure hein. Si vous avez des numéros de téléphone à donner, des numéros pour de gens encore debout jusqu'à 2h du mat et qui sont un petit peu nerveux par exemple, n'hésitez pas. Tapez bien sûr le mail de Top pour lui envoyer les numéros. C'est sur toph@funradio.fr. Il y a Johanna qui dit demain je dois me lever tôt, mais vous écoutez, c'est tellement bon. C'est encore mieux que de dormir. Vous animez toutes mes soirées, je peux avoir un message de fidélité. C'est un message de bienvenue Johanna. On va faire des cartes de fidélité. Avec des points et tout. On va mettre le meilleur de la soirée. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà, il parlait évidemment à Toff. Il y a Granville qui dit moi je suis en train de télécharger l'application Mickaël. Eh ben bravo Granville, ça c'est bien. Et Shippeuse Baby qui dit moi je pète souvent de chatte. Ah, c'est mignon ça. C'est bien, dis donc. Bon appétit si vous prenez, si vous êtes en train de manger, on sait jamais. Ou de grignoter. Bon, Gilou. Oui. Ah, oh, eh ben alors qu'est-ce qui s'est. Bah, ce qui se passe. Bah, tu suçais les seins ou pas? Ah ben, je suis seul, hein, pour l'instant, hein. Ah ben là, non, évidemment. Mais t'as eu Sandro au standard ou pas? Comment? T'as eu Sandro au standard ou pas? Non. Non, je sais pas, non, mais je te demande si c'est Sandro que t'as eu ou si c'est le stagiaire, Dexter. Non, t'as eu un garçon ou une fille? Ah, y'a du tout. Ah, personne n'a eu au standard. Ah, non, au standard, c'est la petite qui m'a appelé. Ah, c'est la petite, c'est Sandro. C'est Sandro, ouais. Ah, d'accord. Ah ouais. Bah, bon. M'a réveillé. Ah, bon? Ah, tu dormais? Ah, c'est pour ça, parce que je me dis, putain, il a l'air un peu. On lui propose une fille, là, une bombasse, Déborah et tout, et il a pas l'air de dégommer directement, là, dis donc. Je suis dans le colter, là. Ah, bah oui, c'est ça, bah évidemment, j'imagine. Bah, tu veux qu'on te rappelle dimanche, plus tôt, vers 10h30? Du matin, hein? Non, du soir. Ouais, non, le soir, ouais. Ah, bah, 10h30. Bon, on va te rappeler dimanche, comme ça, tu seras en meilleure forme. Ah ben d'accord, je prends même, je vais sortir mon matériel. Et comment va le père de tes gosses? Ah ben, il aime bien vous entendre, hein. Dès qu'il vous entend, il a des oreilles qui... qui s'élèvent. Ah, ben magnifique. Bon écoute... Ah, c'est vrai qu'il est habitué, hein. Ah ben oui, j'imagine. Bon, ben prépare-le pour dimanche, on essaiera de rappeler Déborah dimanche alors. Ouais, ben, je vais essayer de la manger et puis de... Bon bah donne-lui à manger, pas de problème. Ça marche. Bon bah ça marche. Ah bah salut Gilou. Ah salut, allez bisous, amusez-vous bien les gars. Eh bah merci beaucoup, bah t'inquiète pas. Hein. Et donc faut savoir que le père de ses enfants c'est sa bite en fait. Hein. Ouais, sa bite et ses couilles. Donc comme ça au moins vous le savez quoi. Oh arrête, tu me fais manger. Voilà, ça c'est quand il est en forme évidemment. Hein. Bah oui, après tu prends le manche en main et puis tu guides. Hein. Et bah voilà, et puis il y avait ça aussi. Quand ton kistorise, on va jouer tous les deux la marelle. Voilà. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Le on laisse évidemment en suspens bien entendu. Bon Julien qui est avec nous, Juju. Ouais. Ouais. Ça va toujours? Ouais. Bah nous on va bien, oui. Ouais, je vois ça, vous aimez bien vous le faire. Bah nous on se marre plutôt bien. Julien par contre, t'as un kit main libre ou un haut-parleur là? Non. Ah bon, t'as juste un téléphone pourri alors. Je vais me mettre dans une pièce où ça résonne pas, je t'ai dit, on est dans un. Mais dans c'est une même pas. C'est même pas résonné en fait, il y a un son bizarre comme si ça grésillait à certains moments, c'est bizarre. Sérieux? Et là? Ah ça le fait encore là, attends. Et là? Ouais là ça fait un peu. Et ou alors parle un peu moins fort, je sais pas. Écoute, on va voir. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Julien? Sois le bienvenu. Ah moi je viens partager un peu mes expériences avec vos auditeurs. Je les entends parler depuis hier, des histoires de plan cul à droite. Oui, à nous sommes tout ouïes. J'en ai de belles à mon à ton actif. Ouais, exactement, ouais. Alors on t'écoute. Alors, là, il y a pas longtemps, là, j'étais en mode coureur de jupons. Et au fur et à mesure du temps, bah, je me suis fait un petit palmarès, tu vois. J'ai fréquenté 4 femmes différentes, une par soir. Une, elle avait plus de 55 ans. Oh mon Dieu. Mais comment t'as envie de faire ça avec une vieille par rapport à toi? C'est pas une vieille, elle est périmée, elle est blette. Ah, c'est que j'avais envie de voir qu'est-ce que c'était quand j'allais avoir 50 ans et que ma femme, elle aura 50 ans, voir à quoi elle ressemble. Ouais, mais ce sera pas pareil parce que t'auras 50 balais, tu vois. Ouais, sauf que là, bah, ça me rassure parce que je me dis que les femmes de mon âge, elles ont un plus beau corps que les femmes plus tard. Quoi. Ah bah oui, t'as remarqué, mais ça, il faut pas... non, mais faut pas spécialement les tester pour t'en rendre compte. Ah hein. Oui, l'avantage avec une femme de 55 ans, c'est qu'il a pu apprendre le braille. Oui, c'est vrai. Faites du sport les filles. Ouais, dis donc, et les mecs ils peuvent se la ramener, mais quand ils tapent un gros bide et tout ça, c'est pas forcément mieux. Non. Ah si. Ah bah ça c'est ceux qui s'entretiennent pas, il faut s'entretenir. Ah bah oui, mais 50 ans. Non mais ça c'est évident. Et donc quoi d'autre comme petite histoire? Et en fait, voilà, là, depuis peu, je me suis posé avec une fille depuis pas longtemps, tu vois, ça fait 3 semaines, 1 mois. Mais avec le rythme que j'avais avant, mon corps, il demande des autres filles, tu vois. Ah oui, c'est ton corps qui demande, pas toi, quoi. Non, c'est pas moi. C'est non, c'est sa bite, elle est toujours tendue et tout, elle a besoin d'être astiquée. Elle lui parle. Exactement. T'as tout compris, elle a toujours besoin d'être astiquée. Mais oui, c'est ça. Elle te dit, le matin, elle se réveille, j'ai besoin de baiser. Ah non, c'est surtout le soir en fin de journée, quand je finis le boulot, tu vois, qu'elle me dit ça. Qu'elle me dit, rentre pas chez toi te coucher tout seul, va... Va au pute. Non, et après, c'est comme Gilou, ça dit, ouais, mais on m'a pris tout mon argent. Ah bah oui, mais bon, ça, en même temps, faut les voir les bonnes. Non, je payerai jamais, non, je paye pas, moi, je paye pas. Oh, ne dis jamais. C'est ça, hein. Ça dépend. Après, ah, si tu vois. Un avion de chasse, attends, si c'est un avion de chasse, t'es obligé de payer. Un avion de chasse, écoute-le parler. Et t'as une meuf actuellement ou pas, toi, Julien? Ouais, j'ai une meuf, ouais. Bon, très bien. Dites-nous d'ailleurs, tiens, quels étaient les meilleurs plans cul? Concrètement, des trucs que vous avez fait un soir, le truc que vous avez le plus kiffé. On parle pas spécialement de position sexuelle, puisqu'on en a déjà parlé, on va encore un peu en parler, mais quel est le truc qui vous a fait le plus kiffé? Est-ce que c'était avec votre meuf officielle? Est-ce que c'était avec une maîtresse éventuelle? Est-ce que c'était avec un plan cul? Qu'est-ce que vous avez fait de plus top dans une relation sexuelle? Voilà, tof. Bah il y a la croix quand même qui est déjà pas mal. Ouais. La cravache. Mais apparemment là Toff n'a plus de croix. Non, je n'ai plus de croix. Comment ça? Bah non. Attends, je suis pas au courant moi. Bah oui. Bah rien. Je ne dis pas. Bah qu'est-ce que tu dis? Bah apparemment il s'entend plus avec la croix. Voilà, oui. Bah elle a entendu la radio tout ça, enfin bon, une histoire. Ah bon. Et donc voilà. Et il rigole, il est content. Bah oui, j'en ai rien à foutre, voilà, je l'ai raconté. En même temps personne sait qui c'est, donc on s'en fout, mais. Voilà, elle a pas trop kiffé. D'accord. Oh, ça va, c'est une croix, c'est une croix. Donc si vous avez une croix chez soi, c'est une croix, voilà. Une croix en forme de X. Voilà, si vous avez une croix chez vous, appelez-moi, Toff at Fun Radio. Là, mais il y avait les deux menuisiers là qui devaient t'en fabriquer une perso. T'as pas une croix toi? Plus de nouvelles. T'as pas de croix, Julien? Non, moi j'ai pas de croix, non. Merde. Ah bon, bah tant pis, pas de bol. Bon, j'ai une machine à laver, j'ai un sèche-linge. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Frigo, ouais, des trucs normaux. Ouais, bah enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai tout ça, tu vois, à la maison. Hein. Puis à la radio, on a plein de bras de micro, on a une table de mixage, on a plein d'écrans, tu vois. Ouais, mais ça remplace pas le charme d'une vraie croix, l'odeur du bois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le cuir des menottes pour t'accrocher à la croix, tout ça, c'est... Bon, il y a Johan sur l'application Mickaël No Limit qui dit: mais Gilou, c'est une blague ce mec, ça peut pas exister. C'est un sacré petit guéluron celui-là, oui, je confirme. Pascal également qui m'a envoyé un mail qui dit: bonsoir, vous pouvez venir faire l'émission à New York et le frigo sera bien rempli pour Mickaël, un bon hamburger de chez Wendy's. Je veux un baconator. Mais en même temps, New York, j'y étais lundi, Pascal. Oui, mais alors ça empêche pas de retourner. Non, mais tu m'aurais dit, j'aurais été faire l'émission chez lui. Parce que là, j'ai fait l'émission tout seul comme une merde dans l'appart où j'étais pendant que le reste de l'équipe était ici, puisque j'étais coincé à New York pour ceux qui débarquent. Oui, non, mais il y a pire comme endroit, bien sûr. Mais si j'avais su, j'aurais été voir Pascal, évidemment. C'est dommage. Et Grandville qui dit: moi, c'est une fois que j'ai fait dans une salle de cours et on m'a chopé. Ah ouais, ça peut être pas mal aussi, ça. Et alors, Trendlover qui dit: je te lécherai les seins et tout. La phrase mythique de Gilou. Et Swat qui dit: depuis 4 mois, je vous suis votre émission de A à Z et vous me faites marrer. Gros bisous à toute l'équipe et bonne année. Merci, Swat. Let's Be Free qui dit: ah oui, une carte de fidélité, on en veut une. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on offre après? C'est ça les questions. Bon, reste avec nous, Julien. On va parler avec Yannick des positions sexuelles. On aura Kamel également dans quelques instants là. Ça va, Kamel? Oui, bonjour. Salut, Kamel. Ça va? Là, je suis dans la merde et comment je veux faire? Alors, justement, je suis coincé là. Il y a un véhicule. J'ai fait une coupure de 45 minutes sur l'heure de repos de Montélimar. J'ai pas tout compris. Quel est le problème? Qui êtes-vous? J'ai un petit souci là, je suis sur la route, Ouais. Et j'ai fait la coupure de 45 minutes, j'ai baissé mes rideaux, je vais me reposer un petit peu. Là, il faut que je reprends la route, après d'un coup je me suis réveillé, je vois un véhicule qui garé devant moi, ils sont en train de faire l'amour à poil. et la femme, il est monté comme un cheval. La femme. Ah, oh, c'est bon ça. La femme est montée comme un cheval, c'est bizarre. Tu veux pas descendre, tu vas frapper au carreau et tu leur donnes le téléphone. Ouais, pourquoi? Mais je veux pas les déranger parce qu'ils commencent à pomper là. Non, vas-y, descends, donne-leur le téléphone. Tu descends, tu leur donnes le téléphone et puis nous après on gère. Pour qu'on puisse entendre. Je peux lui faire un coup de klaxon? Non, tu descends, donne le téléphone. Tu vas frapper à la fenêtre. Voilà, tu descends, tu vas à la fenêtre du camion et tu... Ils sont jeunes là, non. Mais justement, c'est drôle. Mais t'inquiète pas, ils recommenceront. Ah ouais? Mais évidemment. Ouais, vas-y, tu descends et tu donnes le téléphone. Mais évidemment. Ah non, je crois pas ils vont accepter parce que. Mais si. Bon, Bon, je t'offre un cadeau si tu le fais. Ah, je peux pas faire ça. Parce qu'ils sont en train de faire l'action alors. Mais justement, est-ce que t'as des enfants, Kamel? Pardon? Est-ce que t'as des enfants? Ouais, mais ils sont très jeunes, les enfants. Bah ouais, mais quel âge? Il y a 11 ans, 7 ans, c'est 3 ans. Eh ben 11 ans, c'est parfait. Une console, ça lui fera plaisir. Ah bah, je sais pas moi. T'engages sur des terrains, toi? Non, pas de problème, j'offre une console si tu donnes le téléphone. Déjà, le rideau, je le bouge légèrement, alors... Oh, Kamel, allez, montre que t'as des couilles, les gars. Ouais, n'aie pas allez, peur. Kamel. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive, au pire? Les gros pervers, les gros pervers qui veulent absolument avoir un truc ce soir, là, qui... Faut absolument qu'ils bouffent. Bon, Kamel. Ouais. Bon, t'y vas ou pas? Attends, je vais essayer, mais je sais pas, je suis honte, sincèrement, parce que tellement... Ils sont en train de vraiment, ils étaient contents, ils commencent à... Mais justement, mais ils sont encore plus contents. Mais parce que si le mec est précoce, on va tout rater, là. Attends, parce que je regarde, ils sont commencent à passer à la fédération, là. Ah bah c'est très bien, c'est parfait. En plus, le mec pourra parler, il pourra nous donner son avis et tout, ça va être top. Oh putain. Allez, vas-y. Allez, Kamel. Je descends du camion. Parfait. Vas-y, en douce, en loose dé. Hein. Vas-y, ma gueule. Allez. Tu dis que tu t'appelles Toff. Ouais, pas de soucis, j'assume, moi. Oh non, putain, ils sont... Oh non, non, ils sont... Ah si, vas-y, Kamel. Vas-y, Kamel. Kamel. Vas-y. Allô? Ah, il veut pas, putain. Mais tu dis que c'est le téléphone, c'est urgent. Non, non, il veut pas, le gars, déjà, il s'est énervé, il commence à monter devant, parce qu'ils étaient dans la banquette arrière, là, ils sont... Mais tu dis c'est Fun Radio. Tu dis c'est la radio. C'est la radio. T'es l'envoyé spécial. C'est Fun Radio qui veut vous parler. Oh non, il veut pas, il m'avait dit, oh, il est en train de démarrer, là. Oh merde. Il s'est caché ses seins et tout. Oh non. Putain, il est relou, là, on aurait pu au moins... Il fait très beau, c'est très chaud et tout, nickel. Oh merde, comment... Oh merde, dommage. La bonne nouvelle, Kamel, c'est que tu vas pouvoir repartir. Ah bah oui, là, du coup, tu vas pouvoir partir. Ah, il veut plus, il m'a dit, casse-toi, je sais pas ce qu'il raconte, il s'est énervé. Attends, on aurait pu vivre une petite pipe aussi en même temps, là, en direct. Hein. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on lui a tué son plan au mec. Ouais, mais c'est pas grave, il a qu'à faire partager. Il a qu'à partager. Ouais, c'est bon, ouais. Sur une autre ère, et puis voilà. Voilà, la suivante, 20 km plus loin, et puis l'affaire est pliée. Hein. Bon, bah Kamel, bah du coup, tu peux partir, là, maintenant. Là, c'est bon, normalement, ça y est, ils sont partis, mais je les dérangeais. Ouais, mais c'est rien, ils s'en remettront, comme t'as dit, ils sont jeunes, c'est pas grave. Oh putain, en plus, quand ils ont vu mon camion, ils ont fermé les rideaux et tout ça, ils ont trouvé l'occasion. J'étais entre les deux camions, alors là, c'est un autre, c'est un peu loin, mais moi, ils sont garés juste devant la porte et tout, alors je vois tout. Ben voilà, bon. tant pis, qu'est-ce que tu veux, Kamel? Ce sont des choses qui arrivent. Bon, bah écoute, bah merci en tout cas d'avoir appelé, Kamel. C'est dommage, la prochaine fois peut-être, hein. Dès que tu vois encore un truc comme ça, tu nous rappelles. Hein. Tu n'hésites pas. Hein. D'accord. La prochaine fois, j'hésite pas, en plus, je veux pas directement à l'antenne. Pas de problème, c'est parfait. Merci, Kamel. Bonne route, allez, prudent. Merci, salut Kamel, allez, ciao à toi. Bon, il y a Alex qui dit vous me tuez, une petite pipe. Bah oui, mais on a raté, c'est dommage. Prince Nadia aussi qui dit moi jusqu'à présent, ma meilleure expérience c'était avec un plan d'un soir dans une forêt contre un arbre en pleine nuit, c'était magnifique. Toi, tu fais des trucs bizarres, Prince Nadia. C'est sur le Twitter qu'elle avait envoyé le message. Et alors, Tite Doudouce sur Facebook, il dit « Je vous écoute tous les soirs depuis lundi. Et franchement, j'adore, je peux plus me passer de vous. Continuez comme ça. Merci, Tite Doudouce. Gros bisous à toi. » On s'écoute le son de Pharrell Williams maintenant. Au cœur de la nuit, sans pub. On va s'écouter Happy. Juste après, on aura Laurent. On aura également Yannick pour parler des positions sexuelles. Julien également, qui nous parle de tous ces plans cul qu'il a en même temps. Et puis, bah Pharrell Williams, on écoute ça maintenant. C'est Happy sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Might seem crazy what I'm about to say. Le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio, c'était Happy. Il y aura Stromae dans quelques minutes, tiens, ce sera tous les mêmes. Et puis je vous cadrerai aussi Tony Junior là tout à l'heure, avec Twerk Anthem. Bon, Toff, il y a une auditrice qui demandait si tu pouvais faire si tu veux aussi faire du pool dance quand on aura la barre. Mais bien sûr, je mettrai mon petit shorty moulant. Oh, quelle horreur. mon tri. Le pire, c'est que scolaire, il va le faire. Hein. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais faire du lap dance sur le stagiaire? Ah oui, sur le stagiaire. Et je ferai un lap dance au stagiaire. Parfait. À une condition. que... Il va au karaoké ce week-end. Ah oui, parce qu'apparemment, il a un karaoké à faire ce week-end. Alors, au micro, au stagiaire. Oh, mais attends, quel ringard. Alors, le stagiaire, tu sais chanter ou pas, toi? Non, mais pas du tout. Ah bah, c'est parfait. Alors, ah bah, attends, on va faire... On va faire ça, tu vas essayer de faire ça, attention. Tu connais, c'est Jérôme? Non. Allez, fais pas le malin, oh là là. Allez. C'est moi. Non, je n'ai pas. Arrête, je m'oblige pas à me lever. On va lui en mettre une qu'il connaît obligatoirement. Allez. Allez. C'est une musique. Et, oh la mini mauvaise. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Ah, il connaît pas, hein. Quelle année cette année-là. Allez. Je suis dans ta ville. Tu je suis dans tes bras. Alexandrie. Alexandra. Oh là là. Par contre, mais lui, faut lui mettre les G-Squad ou les To Be Free, hein. Ou alors le générique de fin. Le générique de fin, c'est à la fin. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé, je peux pas le changer de place. Ou alors celui-là. Au soleil, oui. Allez, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Allez, quand on travaille, que le ciel est beau. Allez. Comment ça tu connais pas? Celle-là je la connais pas. T'es sérieux? Non, le téléphone pleure. Oh là là, qu'il est mauvais. Mais tout le monde va pleurer quand il aura terminé de chanter, hein, ça c'est sûr, hein. Bon, et celui-là? J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Oh là là, Radio Ringard, hein, bienvenue. C'est mal. Allez, en duo dormi. Les deux là. Allez, allez. Et en plus ça va bien avec vos pulls là, le... ouais. J'ai un peu froid. Elle est faite pour ça. Pour moi. Tout en douceur. Juste pour moi. Oui. Pour mon cœur. Oh là là là là là. Je l'ai rêvé si fort. Je connais pas la suite. Que les draps s'en souviennent. Que les draps s'en souviennent. Je l'ai baisé tellement fort. Baisé tellement fort. Hey, tu vas te calmer tout de suite. Que je lui ai cassé les pattes arrière. La grosse salope. Je l'ai bourré par grosse je saurai bien ma. Je t'éjaculerai dans les cheveux. Voilà, tu vois, c'est ça le karaoké, le stagiaire, c'est bien quand même. Je salue ma famille qui m'écoute. Ouais. N'écoute plus, hein. Et donc, hein, tu vois, c'est finalement bien. Oui, mais bon. Non, de toute façon, le stagiaire, depuis qu'il a un casque avec un petit micro, il se la ramène. C'est plus le même. C'est plus le même. Il se la. Depuis qu'il a une nouvelle coupe de cheveux payée par maman. Ouais. Alors là. Et surtout fini, ce pull bigou, bicolore, là. C'est, oui, mais c'est parce qu'il y a eu deux couleurs, hein, il a eu moins cher, c'est pour ça. C'est des chutes. Voilà, donc si vous avez des conseils, parce que le stagiaire va faire son premier karaoké ce week-end en mode ringard, eh bien, n'hésitez pas, bien entendu, hein, vous lui envoyez tous les messages. Vous l'appelez, c'est lui qui décroche actuellement. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Le stagiaire est là. Oh putain, j'ai la bonne celle-là. Merde, attends une seconde. Vous les femmes. Oh putain, ça, tu peux la mettre. Vous les chats. Proglio Iglesias. Il faut que tu touches comme ça. Il faut que tu touches. Je connais pas, c'est pas mon époque. Arrête, c'est pas une question d'époque. C'est pas une question d'époque. Bah, arrête de dire n'importe quoi. Bah, c'est là, c'est là. Hey, tu connais Mozart, c'est pas ton époque. Je ferai n'importe quoi. Pour te défoncer. Le fion. Le fion. Viens ici, que je te casse les pattes arrière. Enfin bref, donc voilà, tu vois. Je vais te remonter le derrière, grosse salope. C'est ça les paroles. C'est Tof qui m'envoie des paroles, il m'envoie. C'est un truc de ouf. Félicia qui dit explosé de rire, oh mon dieu, je meurs, mes oreilles saignent. Oui, bah nous aussi, nos voix ont saigné. Clément qui dit sympa quand tu déprimes, c'est pas arrangeant comme musique. Mais si, on l'a remixé. Et Stéphanie qui dit trop drôle les karaokés, moi je vais avec toi. Et Florian qui dit ma copine fait du pool dance, attention la souplesse. Les gars, il n'y a que ça de vrai. Les petits shorties, bonne soirée. Ah ouais, t'inquiète pas, Florian, on imagine bien. Et Warren qui dit mort de rire, c'est quoi ce pull bigou? Bah c'est le pull du stagiaire, il est. Voilà. Vous voyez moche? Bah c'est ça. Et bah non, c'est pire. C'est deux fois moche. Voilà, c'est la double mocheté même, on peut dire ça comme ça. Bon, Yannick est avec nous, là, 36 ans de Reims. T'es là, Yannick? Ouais. Ah, très bien, on t'entendait pas. Alors, Yannick de Reims, encore quelqu'un de Reims, dis donc. On nous a dit qu'il fallait qu'on vienne faire l'émission en direct de Reims. Est-ce que c'est une bonne idée? Tu viens à la maison, il y a tout ce qu'il faut. Ah bah oui, parce que nous, on fait l'émission en direct de chez vous. Hein. Donc on vient dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle à manger, cuisine, peu importe. On débarque avec un petit peu de matos, mais pas beaucoup, sincèrement, promis. Déjà, tu me dis tu, et puis tu viens quand tu veux. Mais non, mais non, mais je te tutoie. Je dis vous parce que je sais pas chez qui encore on va. Donc je dis vous parce qu'on verra. Je suis tout seul perso, donc. Mais je dis vous parce que je ne sais pas encore chez quel auditeur. Tu vois, je parle à plein de gens. Ah ouais, bah voilà aussi. Bah, vous êtes une bande de fous aussi. Vous êtes une bande de fous. Bah voilà, mais complètement. Donc il faut qu'on vienne à Reims, c'est ça? Ouais, c'est bon, ça marche, y a pas de soucis. Ok, tranquille, wesh en place. Bon, et qu'est-ce qu'il y a à faire de boire, Reims? Bah, aller se promener, voir les meufs, et puis parler un petit peu à Sandro. Je voulais poser une question, Sandro. Est-ce que tu baises? Non. Ouais, bah ouais, ça m'arrive. Non, mais c'était la question que... Enfin, je supputais une question pour Sandro, mais ce n'est pas grave. Bon, alors, c'était quoi la question? J'ai parlé avec Sandro juste avant, donc... Mais c'était quoi la question pour Sandro? Bah, c'était pour un acte sexuel. Oui. Tu veux la pécho? Non. Et c'est pour savoir si ça lui plaisait, la planche à pain. C'est quoi, la planche à pain? Je ne comprends pas. Tu sais pas ce que c'est? Bah non. Bah en fait, c'est... quand tu fais l'acte sexuel... Oui. Sur une table... Oui. Tu rajoutes... Du pain. Du beurre. Ouais, du beurre, du chocolat, de la chantilly, machin et tout, et tu lèches tout, quoi. Ah oui, j'adorerais que tu me fasses ça. Bon, non, mais dis bon, pas sûr, je vais devenir fou. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe, mon loulou? Ah non mais c'est clair, mais moi ma copine elle adore, donc Ah oui, mais tu crois qu'on pourrait le faire et à trois? Et t'as une copine en plus, bravo. Mais c'est pas grave, on fait à trois. Ah bah bravo. Allez, je me marie l'année prochaine, donc Ah bah oui, bah faut qu'on le fasse avant alors. Ouais bah t'inquiète. Je suis pas jaloux, t'inquiète. Mais non bah toi non, mais après elle peut-être. Oui. Mais est-ce qu'elle est jalouse? Bah j'ai pas demandé, puis je m'en fous. Ah bah oui, mais il faudrait peut-être. Tu veux que je lui demande et puis que je te rappelle demain? D'accord, on fait ça. Demain, ouais. Mais non, mais qu'est-ce qui te plaît chez Sandro? Bah, tout, sa voix, son... Ah, sa voix? Ouais, c'est vrai qu'elle est excitante, sa voix. C'est vrai que j'ai une belle voix. Non, mais on me le dit souvent. Sa voix, son parler et tout, elle est toujours tout cool, quoi. Elle est toujours ouais, tout... c'est vrai. Ah ouais, elle est cool. Elle me fait hyper cool. Je la connais pas. Ouais, bah, c'est bon, ouais. Attends, et toi, t'es juste à côté, toi. Tu peux te permettre, mais c'est bon, quoi. Oui, mais bien sûr. Parfois, il est un peu trop entreprenant, tu sais. Bah tu lui mets un coup de boule, une main part. Bah voilà, donc toi tu la défends, toi, tu veux la défendre, Sandro, c'est ça? Ah non. Moi je préférerais qu'il me défonce. Ouais non, c'est pas sympa ça. Ah bon? Tu peux pas me mettre un petit coup? Qui? Moi? Bah oui. Bah ça dépend, si tu viens. Bah je sais pas, tu veux pas venir plutôt, parce que je vais pas me déplacer non plus. Bah moi non plus, ça à toi de dire. Oui mais si on fait chacun chez soi, on va jamais y arriver. Ouais, non, ça c'est un truc fun, laisse tomber. C'est un truc fun, laisse tomber, c'est quoi un truc non, c'est bon. J'ai pas compris. Non mais laisse tomber, si, les autres ils ont compris parce qu'ils rigolent derrière. Alors. Mais non mais je rigole parce que ton rire me fait marrer. Ouais bah excuse-moi. Rigole un peu pour voir. Non mais imagine qu'on a fait la plus grosse vanne de l'année là. T'as fait la plus grosse vanne de l'année. Ouais, oui. Imagine, tu rigoles. Imagine, t'as raconté une blague. Ouais, mort de rire. Ah, ça a pas bien marché. Là. Bon, ça marche. Avec moi, ça marchera pas. Donc. De quoi rigoler? Je voulais dire pour Kamel. Kamel, putain, c'est un petit joueur, c'est un petit routier. Pourquoi? Bah moi, je serais rentré dans la voiture directement. Ah oui, mais si la porte est fermée, y a pas défoncé la vitre. Hein. Bah oui, enfin la porte est fermée. Bah oui. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Attends. Et nous, on est souvent sur les aires de repos de routier. Qu'est-ce que tu fous sur les aires de repos de routier? Bah, parce que j'ai mes potes qui sont routiers et je vais souvent comme avec eux, donc... D'accord, ok. Et après, ils ramènent des meufs sur les aires d'autoroute. Bah voilà, c'est ça. Normal. Bon, est-ce que tu veux que je te repasse Sandro, du coup, ou pas? Ouais, bah si ça la dérange pas, ouais. Bah non, ça me dérange pas, mais on peut se voir ou pas, alors? Bah, je sais pas, en plus ça, j'ai la radio juste à côté, ça passe dedans et tout. Bah oui, ça passe dedans. C'est le concept de l'émission, enfin. Comment? Bah, non, mais je dis, c'est le concept de l'émission. Ah oui, bah tout à fait, ça fait 3 semaines que j'essaie de vous avoir, en plus. Ah bah voilà. Voilà, justement, ouais. Bon, et donc du coup, qu'est-ce que tu lui feras à Sandro? Parce qu'elle va pas se déplacer pour rien. Eh ben, je lui fais voilà, la planche à pain et puis... Oui, après, une fois que tu m'auras bien léché partout. Ben, je te fais l'amour à fond. Mais comment tu me fais l'amour à fond? C'est quoi ta position préférée? Ça, on peut pas en discuter comme ça au téléphone. Mais si, mais si. Excite-moi. Moi, je sais pas, moi. Après, tu préfères quoi, toi? Ben, moi, je préfère que tu me prennes violemment en levrette et que tu mettes des grosses claques sur les fesses. Mais ils sont morts de rire derrière. Ils sont morts de rire derrière. Mais non, on n'est pas morts de rire. Mais non, allez, concentre-toi un peu. Ouais, bah ouais, si tu veux, ouais. Parce que là, moi, je suis chaude, là, je commence à mouiller. Non, ouais, bien sûr. Allez. Bah ouais. Quoi? Bah alors, tu dis plus rien? Bah, c'est pas que je dis plus rien, mais attends, et tu veux que je te dise ça comment Tu veux que je dise ça comme je veux bien, moi, ça me dérange pas, moi, je te prends comme tu veux. Bah, prends-moi comme je veux, alors. Par devant, par derrière, par à droite, par à gauche. J'ai pas trop à droite et à gauche. J'ai que devant et derrière. Ah bah, y a pas de souci. Ah bah, ça va. Mais tu aimes la sodomie? Jamais pratiqué. Ah, t'as jamais pratiqué? Ah bon, tu me déçois un peu quand même. Bah non, je suis quelqu'un de sincère, donc... Bah oui, mais bon... Je respecte la femme en tant que telle. Bah, c'est pas une question de respect. Bah, si on propose, je dispose, hein, après... Ah bon, bah ça va, là. Nouveau sans rire, ça y est, de retour. D'accord, et bah moi je te... Là, va chier, toi, tu m'énerves. Ben moi je te laisserai disposer. Il est mort de rire depuis une demi-heure derrière le téléphone, tu sais. Et puis après il dit ça va, son rire il recommence. Ouais. Mais si tu veux, je te laisserai jouer dans la salle de jeu derrière. Elle est bonne. La petite. Hein. Bon, on joue dans toutes les guerres que tu veux. C'est vrai. Oh, ça me ferait plaisir. J'ai 1500 mètres carrés de terrain, j'ai une piscine, j'ai tout ce qu'il faut. Ah bah ça c'est génial, on pourra faire l'amour dans la piscine alors. Ah bah si tu veux. Ah bah oui, je veux. Ouais, bah bien sûr, appelle-moi Jambon aussi en même temps. Mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça, moi j'adorerais faire l'amour dans la piscine. Jambon. Pourquoi tu veux pas qu'on fasse l'amour dans la piscine? Ah bah ça me dérangerait pas. Hein. Bah alors, on fait l'amour dans la piscine. Et par contre j'aimerais bien que tu fasses un truc à la fin, c'est est-ce que tu peux me souiller dans les cheveux? Oh! Non. Bon, écoute, je te repasse Sandro aux antennes parce que là, elle commence à s'emballer. Et puis même, non, il y a des jeunes qui nous écoutent. On peut pas tout dire à la radio, tu vois. Ouais, mais t'as la radio allumée là? Bah attends, bouge pas. Non, surtout l'allume pas parce que sinon ça va faire de l'écho, c'était pour savoir. Elle a dû allumer depuis longtemps, hein, je vous écoute en même temps. Hein. Ah d'accord, ok, très bien, parce que sinon ça fait un peu de retard et du coup ça fait de l'écho. Ah, tu vois, on s'entend d'ailleurs, justement. Mmh. C'est pour ça, Sandro l'avait dit, pas allumer la radio, bravo. Bon. Mais oui, mais il m'écoute jamais. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux. Bon, Yannick, je te repasse. Je t'écoute et je te kiffe à don. Ah bah ça va, ça me fait plaisir. Bon, Yannick. Ouais. Je te la repasse en antenne, ok? Ok, ça marche. Allez, salut ma gueule. Vous restez comme vous êtes, hein, vous restez à fond. T'inquiète pas. Non, on va quand même changer de vêtements. Voilà, et puis on est des enculés, on va le rester. Ça roule. Bon, salut Yannick. Salut, bisous. Allez, ciao. On va récupérer Julien, on va prendre Laurent également dans quelques minutes sur Fun Radio. On est toujours en direct, évidemment, jusqu'à 2h du mat. Il y a Sarah qui dit « J'espère que pour lui, que sa future femme n'écoute pas la radio. Lol, c'est clair. » Et Johan qui dit « 8h30, je me réveille dans mon lit à Singapour, je mets Fun Radio et j'entends Clo-Clo. Tu m'as tué le réveil, merci Mickaël. » Oui, bah, Johan, ça va, hein. Déjà, il est à Singapour, le mec, il est quand même sur la cool. Bah oui. Il nous écoute, c'est énorme. Et Fabien qui dit « Message à Frédéric de Charleroi avec son donjon, contacte-moi. » Bon, Fred, si t'es là, si tu nous écoutes, rappelle-nous, là, de Charleroi, là, 02-851-4x0. Il y a Denis qui dit « Ils ont fumé quoi ce soir ?» Et Alexandra qui dit « Super ce remix de Il était une fois. » Et Guillaume, enfin, qui dit « Il devrait demander à Jean-Pierre Sauzère des conseils de chant, le stagiaire. » Bah oui. C'est vrai, ça? Ah oui, mais je crois qu'ils sont pas, ils sont pas amis. Ils sont à Paris, là. Non, c'est pas ça, mais je crois qu'ils s'aiment pas trop, les deux, là. Bon, on va mettre Stromae. Ouais, hein, ouais. Allez, c'est parti, tous les mêmes sur Fun Radio. Il est 1h32, bienvenue, c'est Mickaël No Limite au cœur de la nuit sans pub. Tous les hommes et tous les mêmes. Le son belge Stromae, à l'instant, tous les mêmes sur Fun Radio. Il est 1h35, il y a Warren qui a envoyé un message, tiens. Qui s'est oublié son message? Oui, restez des enculés, c'est bien comme ça. Bon, on peut pas changer, t'inquiète. Elliot qui dit, je suis plié avec ses chansons ringardes là. Et So qui dit sur le Twitter, faire l'amour dans un parc tout en essayant de pas se faire voir par les passants. Évidemment, c'est tout le concept. Bon, des messages, s'il y en a qui veulent le numéro de Yannick, pas de problème, hein. On peut transmettre, hein, s'il y en a qui sont tombées amoureuses de Yannick, là, aucun problème, on peut tout transmettre sans souci. On va faire des appels encore pour savoir quelles sont les positions préférées des Françaises et des Belges, enfin des filles en règle générale. Allons-y. Donc on y va, on appelle depuis tout à l'heure et on va continuer maintenant. Hein. Mais oui, n'arrêtons pas. Ben non, on va pas arrêter tout de suite, hein, je te confirme. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Let's go. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tard. Bah alors, c'est sans... Allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la position sexuelle préférée de votre femme. Alors, la position sexuelle préférée de ma femme, c'est la même que la tienne, fait que de ta mère. Ah bon ? Vous connaissez ma mère ? Oui, je connais bien ta mère, oui. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi alors sa position sexuelle préférée? C'est la levrette, hein. Ah oui, donc c'est ça. Donc c'est votre femme préfère la levrette. Non, ta mère préfère la levrette. C'est tout dans le cul. D'accord, mais donc comme votre femme, puisque vous m'avez dit que votre femme c'était pareil. Non, par contre, ta mère aime la levrette et tout dans le cul. Oui, oui, ça j'ai compris, mais vous m'avez dit que votre femme c'était pareil. Ah mais il a raccroché. Mais non, il aurait pu faire un effort quand même, on le rappelle. Attends, oui, oui. Attends une seconde, hop, merde. Voilà. Allez, hop. Il a un problème avec ta mère, a priori. Oui, oui, j'ai bien compris. Ah bah ça, je te confirme. Bon, allez, attends. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Allô, espèce de gros connard, tu sais c'est quoi qui est bien? Non. Qu'aucun identifiant, c'est que quand je vais les porter plainte, oui, ils vont trouver ton numéro, tu sais, c'est ça qui est bien. Oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question, tout ça, monsieur. T'es qui, espèce de gros connard? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, mais d'accord, Toff, d'où tu es, Toff? Moi, je suis de Paris. T'es de Paris, Toff? Oui. Ok, d'accord. Et pourquoi tu m'appelles? C'est où que t'as eu mon numéro, Toff? Bah, j'ai eu le numéro, moi, j'appelle juste pour savoir. D'accord, mais t'es d'où? Dis-moi, d'où t'as eu mon numéro Non, mais je suis pas là pour ça, moi, je veux juste savoir ce qu'elle aime comme position sexuelle, votre femme, ça suffit. On va moi, pas... j'aimerais bien savoir ce qu'elle aime le plus. Ta mère, c'est sucer, c'est se faire enculer, enfin, je sais pas. Bah, je sais pas, vous avez dit que vous la connaissiez, donc vous avez qu'à lui demander. Bah, justement, mais passe-moi le numéro de ta mère, quand même. Le numéro de ma mère? Mais pourquoi vous l'appelez, ma mère? Non, parce que je l'ai égaré, sûrement, je sais pas, ou j'ai dû confondre avec ta femme, ou je sais pas, un truc comme ça. Ah non, j'ai pas de femme, donc c'est pas possible. D'accord, ok. Non, toi, t'es plutôt... Je vois, t'as plutôt la voix aimer les hommes, toi. Oui, oui, c'est ça, voilà. D'accord, très bien. Ok. Bon, mais je vais te souhaiter une bonne soirée, parce que j'ai autre chose à faire, franchement. Ah ouais, d'accord. Mais alors, on se dit pas pour ce qu'elle aime votre femme, quoi. Non, c'est bon, ça... Allez, je te souhaite une bonne soirée. Bah oui, mais je suis déçu, quand même, hein. Ah bah il a raccroché. Voilà, c'est fait. Bon, on en appellera d'autres encore tout à l'heure avant la fin de l'émission. Si vous avez envie de piéger quelqu'un, enfin, pas de piéger, mais si vous connaissez les gens debout encore à cette heure-ci et qui sont un peu du style nerveux, on va dire ça comme ça, un peu comme celui-là. Oh, bande d'abrutis. Bon, c'était pas le plus violent. Ferme ta gueule, du con. Voilà, et alors celui-là. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà, bah vous n'hésitez pas à donner ce genre de numéro sur le mail de Toff pour qu'on les appelle encore ce soir et dès la semaine prochaine, évidemment, sur TOPH. @funradio.fr. Bon, on a Laurent qui est avec nous là. Salut Laurent. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille. Mais Laurent. Eh bah bonne année aussi Laurent, merci beaucoup. Je voulais dire un petit truc, disons à Reims, le champagne ça tape sur la tête, hein. Bah il paraît. Mais c'est pas sûr qu'on aille encore à Reims, on verra, on sait pas encore où on va aller. Sandro à Mui, non je crois, non? Sans... Pourquoi tu dis ça? Sans un peu muet, ouais. Bon, Laurent, tu voulais réagir à Julien qui a 4 plans cul en même temps. Toujours là, Julien? Ouais. Très bien. Bon, alors, Laurent, ben, on t'écoute, sois le bienvenu. Déjà, c'est quoi ta position sexuelle préférée, Laurent? Ah, ben moi, tout ce qu'elle veut. Toi, t'es pas dans le détail. Est-ce que t'aimes bien le 69? Moi, j'aime bien la sodomie et puis la fellation après. Ah oui, bah oui. Ah oui, grande classe. Bah, c'est pour nettoyer. Ouais, comme ça, ah, ouais. tu repars avec des outils propres. Merci, grande classe. Non, on va rester honnête. D'accord, on va, ok. On va prendre l'appellation au départ. Ah, mais quand même, monsieur est trop bon. Hein, monsieur est trop aimable et trop gentil. Mais je reste grand seigneur malgré tout. Évidemment. Et toi, Julien, c'est quoi ta position sexuelle préférée? Ah, moi, la position sexuelle préférée? Ouais. Ah, c'est la quenelle. Oh, mais non, mais c'est pas une position sexuelle. Enfin, à moins que tu aies transformé ça en position sexuelle. La quenelle camerounaise. C'est quoi? Ah, bah, c'est quand je sors mon chibre bien là, avec deux jus pour dans le cul et tiens, je vois, c'est le bel herbe. Oh là là. Mais quel dégueulasse que ami là, Julien. Oh là là. Bon, moi, ma préférée, scandaleux, c'est l'Amazon et la pire, c'est le 69. Je déteste ça. C'est une horreur. Ouais. Ah, c'est une horreur. Moi, je déteste les deux, Amazon et Cuny. Non, Amazon, c'est bien quand la meuf est sur toi. Ouais, c'est Oui, c'est ça, moi j'aime bien. Mais en fait, Polo, c'est le mec le plus conventionnel pour faire la meuf. Non, mais moi j'aime dominer. Je ne fais que le missionnaire. Non, j'aime dominer, j'aime être là comme ça. J'aime travailler, j'aime que mon bassin travaille beaucoup. Oh là là. Non, Amazon, ça, j'aime bien, et le 69, je déteste. Comme je disais, j'aime pas me faire sucer à l'envers. Non, mais c'est vrai, c'est des choix. C'est un truc, ça fait une sensation de merde. Enfin, en tout cas, chez moi après, hein. Visiblement, non mais de merde, façon de je n'ai pas la sensation quoi. C'est rien à voir avec. Enfin bref. Bon, Julien. Non, ouais. Laurent, pardon. Laurent, tu voulais réagir toi par rapport à Julien qui a quatre plans cul en même temps là. On t'écoute. Qu'est-ce qui t'amène, Laurent? Ben moi, ça a été un petit peine d'années. Tu vois, j'étais agent de sécurité en discothèque. Et puis bon, ben, toute la soirée, tu mates, tu vois les couples se former, partir. Et puis bon, ben, quand ta boîte ferme, ben, t'as le troisième catégorie, quoi. Troisième choix. Voire même quatrième. Ouais, tu peux dire la vérité, c'est parce que généralement, c'est avec celle-là que je rentre. On reconnaît bien. La troisième, tu vois. C'est-à-dire, pas la vilaine, mais tu vois, mais bien alvinée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, ben, souvent, elle est pas très belle non plus. Hein. Bah, tu prends ce qui reste, quoi. Voilà. Et ben, ouais. Je veux dire, des fois, t'as des surprises, quoi. Parce que tu vois, justement, celle-là, elle était. J'ai eu pitié de ta pauvrette. Bon, je dis, je vais la ramener chez elle parce que je voulais pas qu'elle risque l'accident. Parce que tu voulais pas quoi, ça a coupé? Non mais je crois que ça a coupé là, définitivement. Ah, en fait. Oui, là, ah non mais il dit trop de conneries, Laurent, c'est pour ça. Ouais, je pense, ouais. Attends, on va le récupérer après. Son téléphone est saturé de conneries. Ouais, je pense. Julien, t'avais encore un truc à ajouter, toi? Moi, je voulais juste faire une petite dédicace. Bah si tu veux, vas-y, fais ton plaisir. Je fais une petite dédicace à tous les quenelliers de France. Oh, mais qu'est-ce que t'as, Julien, avec la quenelle? On s'en bat les couilles, là. Julien. On s'en bat les couilles en fait de la quenelle. S'il y a bien un truc qui fait chier tout le monde et qui n'a aucun intérêt, c'est bien ça, quand même. On parle de et cul, toi, et toi t'en fais encore la promo, Julien, c'est complètement idiot. Bon, allez Julien, bonne soirée, allez, bon week-end tout. Quand même, à bientôt. Salut. Ciao. Bon, on a récupéré Laurent ou pas? Ouais, je suis là. Ah bah très bien Laurent. Donc on était où là? Ça a coupé, on savait plus où on était. Je suis dans le camion là, je suis arrêté là, bon ouais, ça passe peut-être mal, bon. Ah bah là ça passe mieux là, c'est bon. Voilà. Non mais je voulais dire, voilà, bon si tu veux, cette fille, bon, j'ai presque pitié d'elle parce que je vais la ramener chez elle de manière à ce qu'elle ait pas d'accident avec sa voiture et tout. Oh quel gentleman. Mais le problème c'est que la surprise a été là, c'est qu'une fois que je suis arrivé chez elle, bon elle m'a offert un petit café. Pour le remerciement du transport. Voilà, tout à fait. Et ben la minette, elle s'est mise à l'aise chez elle tranquille. Et puis quand je l'ai vu revenir en déshabillé, ben j'ai pété les plombs, j'ai craqué. T'as craqué, c'est-à-dire? Il lui a craqué le string. On a fait ce qu'il y avait à faire. Et puis tu vois, ça fait 20 ans que je suis marié avec maintenant. Non, oh, c'est bon ça. Attends. En fait, il parle de sa femme comme un bâtard depuis tout à l'heure. Attends, parce que t'es en train de dire que ta femme est moche. Ta femme, c'est la troisième zone, c'est ça? Laisse-moi terminer, Michael. Parce qu'à un moment, j'ai cru que tu disais. Non, attends, je sais. À un moment, j'ai cru que tu disais, ouais, j'ai craqué, etc. Alors que je suis marié depuis 20 ans, tu sais, genre, t'as trompé ta meuf. Mais pas du tout. Bah, tu sais, je vais dire une chose, c'est comme les cadeaux, ça. Tu sais, des fois, t'as un emballage qui est horrible. Et donc, écoute bien, non, mais laisse-moi terminer. C'est intéressant. Non, mais laisse-moi terminer. T'as un emballage qui est horrible et dedans, c'est merveilleux. Et le problème, si tu veux, c'est qu'une fois qu'elle a été démaquillée, et qu'elle a été déshabillée et tout. Ah, et ben, en fin de compte, le maquillage a caché quelque chose de magnifique. Ah ouais, ça a c'est le maquillage qui a fait que, en fin de compte, elle était maquillée vulgaire, quoi. D'accord. Et c'est depuis ce temps-là que je lui ai dit, reste naturel, elle est magnifique en naturel. Oh, bah ça va. C'est un peu comme. Parce que je me dis, ouais, non, mais en fait, c'est t'enlèves l'emballage, après, c'est genre à l'intérieur, c'est beau, etc. Ouais, une fois qu'elle a enlevé le push-up, la culotte pour lui remonter les fesses, elle ressemblait plus à rien. C'est un peu comme tu trompes ta meuf et tu lui dis, mais t'inquiète pas, pendant que je baisais l'autre, je pensais à toi, tu vois, c'est le même délire. Non, mais. Tu vois, autant tu y en as, bon, elles sont maquillées, jolies et tout, tu vois, tu les sautes, tu lèves le matin, tu vois que tout est décalqué sur les relons, puis t'as une mocheté, tu vois. Mais là, non, justement, moi, c'était le contraire, moi. Ah ouais, moi, toi, elle était moche dû au maquillage. Voilà. D'accord. Maquillage. Elle était maquillée vulgaire, quoi, si tu veux. Ah oui, et ok, d'accord, je vois bien, ouais. Voilà. Et une fois démaquillée, ben, elle était merveilleuse, elle était superbe. Oh, c'est beau, c'est mignon, belle histoire. Cette histoire. Oh, c'est une belle histoire. Et ça fait 20 ans qu'on est ensemble maintenant. Oh. En plus, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah, très bien. Bah, mais combien de temps que tu vas voir ailleurs? Ouais, tu as trompé jamais, ou pas? Jamais, mon bonhomme, jamais. Quand j'ai une chose, j'y tiens. C'est bien, c'est bien, Laurent. C'est beau, Laurent, c'est bon, beau. Bon, et ben, merci en tout cas d'être passé, Laurent. Eh ben c'est moi qui te remercie, Michel. Avec écoutez, plaisir. Une bonne soirée à vous, puis continuez comme vous êtes, vous déchirez trop. Eh ben c'est gentil, Laurent. Merci à toi. À bientôt, Laurent. Allez, salut. À bientôt. Allez, ciao. Bon, j'aimerais bien terminer avec des filles là par rapport aux positions sexuelles pour terminer sur le sujet. Quelles sont les positions préférées des filles justement? Venez nous en parler en toute simplicité. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a le prince Nadia qui a envoyé un message sur le Twitter aussi qui dit l'emballage n'est pas terrible mais le contenu est merveilleux, voilà la définition d'un homme amoureux. Sarah aussi qui dit grâce à l'émission j'ai rencontré des personnes magnifiques, surtout mon chouchou. Il y avait Mika, Sandro, Polo, Toff et merci à vous, bah avec plaisir. Et alors Let's Be Freaks qui dit Mickaël, deuxième top 8 de France. Oui, paraît-il, bah merci beaucoup. Et puis bah continuez, Mickaël officiel pour m'ajouter sur Facebook. Vous faites la même chose mais vous mettez un underscore au milieu, c'est le petit tiré en bas, donc Mickaël tiré en bas officiel sur Twitter. Si vous m'ajoutez, eh bien je vous suivrai également et avec plaisir. Et puis attention, la semaine prochaine il y aura du lourd également puisque j'aurai des iPad mini à vous offrir, on aura des consoles Wii U également. Et c'est dimanche bon soir, je vous mets 500€ pour les soldes. Oh bim, comme ça. Voilà, 500€ sur le Facebook pour aller faire les soldes pépère. En plus vous êtes livré, on vous envoie le chèque dans la semaine. Hein, donc si vous gagnez dimanche soir, eh bien vous serez livré genre mercredi ou jeudi, vous allez pouvoir faire les soldes le week-end d'après. C'est donc bon plutôt à la cool. Voilà, 500 boules pour aller faire les soldes. Qu'est-ce qu'elle achèterait Sandro pour avec 500€? De la bouffe, Nutella. Avec 500€, t'achèterais quoi pour les soldes? Bah des fringues ou du maquillage. Du maquillage. Maquillage surtout beaucoup. Beaucoup non, je rigole. Ouais. Mais écoute, elle va te mettre une patate. Non mais c'est quoi, il me chauffe depuis tout à l'heure. Heureusement que ce soir c'est la dernière. Sandro, souviens-toi de ce qu'a dit Laurent. Une fois qu'elle a enlevé le maquillage, il a vu un très très beau cadeau. C'est vrai. Ouais, mais je trouve ça merveilleux, moi. Voilà, c'est beau. Ouais. Je vais aller en boîte surmaquillée maintenant. Oui, bah vas-y alors. C'est déjà le cas d'ailleurs. Ouais. Quand je vais en boîte. Vas-y. Je suis en smoky eyes, seules les filles comprendront. Smoky eyes marron. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi le smoky eyes? Ah, faudra regarder sur internet. D'accord, smoky eyes, tiens. Bon, 1h47 sur Fun, on est en pleine nuit. Il est presque 2h, donc il reste ma dernière ligne droite de l'émission. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. Merci à tous d'être là tous les soirs sur le Twitter, sur le Facebook et évidemment avec nous. Et donc, je vous attends, les filles, là, pour parler de votre position sexuelle préférée. Les mecs peuvent appeler aussi, bien sûr. 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis, je vous l'avais promis tout à l'heure, on s'est pété le son de Tony Junior maintenant. C'est Work on Them sur Fun Radio. Junior sur Fun Radio avec Twerk on Them, dernière ligne droite de l'émission avec Julien qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit, que vous trouvez bien entendu gratuitement sur iTunes. Vous êtes géniaux, continuez comme ça, dédicace au Coussi IP, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Ah bon, ferme ta gueule, du con. Voilà Julien, aussitôt demandé, aussitôt eu. Bon, et on a Adeline avec nous maintenant là, qui appelle d'Ille-et-Vilaine. Salut Adeline. Salut. Comment ça va? Ça va. Bah tant mieux. Bon, alors Adeline, dis donc, quoi de neuf? Bon, rien de spécial. Ah bon, d'accord, ok, vie palpitante, c'est magnifique. Bah voilà, tant mieux. Bon, alors Adeline, tu voulais nous parler, toi, des positions sexuelles préférées? Parce qu'on avait celle des mecs, on n'a pas celle des meufs. Donc, quelle est la tienne? Le cheval à bascule. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est j'ai déjà entendu parler de ça, mais je me souviens plus que c'est le cheval à bascule. L'homme est assis en tailleur. Attends, l'homme est assis quoi? En tailleur. Comment ça, en tailleur? Bah assis... Les jambes croisées, quoi. Ah ouais, oui. Voilà, ils ont croisé. Ouais. La femme est assise sur lui. Ouais. Et tournée vers lui. Et l'homme peut s'appuyer contre un mur et la femme va dessus. Moi, je ferais encore un truc un peu plus compliqué parce que tu vois, que là, avec ça, avec une pierre sur la... Ouais. Ah, tu tiens une pierre de l'autre côté et tu dois tenir un verre de l'autre. Et un ananas sur le nez. Voilà. Exactement. Et si jamais tu fais tomber un des trois, la meuf te mord la bite. Au sang, jusqu'au sang. Voilà. On arrache un bout carrément. Mais c'est ouf le truc là. Et bizarre quand même comme position. Tu peux voir un truc un peu plus. Bah si, c'est agréable parce que l'homme au moins il est près des seins et. Oui, non, bah bien sûr, mais après t'as la cuillère où il peut tout gérer aussi en même temps. Hein. Ouais, mais ça change de position. Oui, non, bah, ça baissu, ça, c'est une certitude. Mais, oui, parce que, d'accord, ok, très bien. Non, mais pourquoi pas, après, moi, j'ai demandé, mais je connaissais pas le, comment ça s'appelle encore, ce truc-là? Le cheval à bascule. Le cheval à bascule. T'imagines, t'es avec ta meuf, on fait le cheval à bascule? Non, mais, tu vois. Bon, note, c'est pas plus con que de dire, on fait la cuillère, ou, tu vois, un mais truc comme ça, mais. Je demande pas, c'est dans l'action, dans l'action, vas, ouais. Ben, ça dépend, parce que comme Polo, il aime rien faire. Comme, si t'as une meuf qui dit, ah, fais-moi un cuni. Je lui dis, attends deux secondes, et je fais, non. Oh, je lui montrais. Je m'y mets que je crachais dans mes doigts. Non, je lui dis non. Non, mais je le vois déjà mettre la tête entre les jambes, mais ne rien faire et ouais, faire avec les doigts. Alors, c'est bien. Attends, excuse-moi, j'ai des renvois. Non, mais je pourrais pas. Non, je lui dis non. Si elle est pas contente, je lui dis bah écoute, on s'arrête là. Attends, hop, et tu vois. Et si elle te dit, je te suce pas. Ben c'est pas grave, ça me dérange pas. Ah, ça te dérange pas, obsédé. C'est-à-dire que lui il veut pas faire des... il faut tomber sur la meuf. Il fait pas de cunis. Si non. La meuf ne suce pas, c'est-à-dire qu'ils feront rien en fait. Non mais si elle veut pas, elle me suce, je vais pas la forcer à me pomper le dard, je m'appelle Patoff. Mais je force pas les meufs. Tu forces. Il y a même des rumeurs qui disent que tu mets des. Bon. Que je mets quoi? Non, j'ai rien. Ah j'ai rien. Ah t'as acheté un froid là. Je dirais rien. Des croix? Parce que maintenant on veut savoir. Bah il paraît que Toff. Ouais. Mais des croix. Est-ce que passagedesdésir.fr a un rapport avec ça? Ouais. Est-ce que passagedesdésir.fr a un rapport avec ça? Bien sûr. Ah, mais c'est les accessoires qui les attirent. Ah, bien c'est sûr. Les accessoires. Bah, il oui. A tout un attirail. C'est pour ça que je viens avec ma valise en boîte. Je monte la valise et après. Ah ouais, je vais tout essayer. D'accord, ok. De quoi tu dis? Avec les accessoires, ça change aussi. Ah, oui, bien sûr, ça change tous les accessoires. Et sinon, Adeline, il y a une autrice qui m'a envoyé la photo du cheval à bascule. Je visualise beaucoup mieux là. Oui, non, là comme ça, d'accord, ok, très bien. Non, mais j'avais pas compris. Mais en fait, il faut pas spécialement une chaise parce que la chaise, elle est galère au final dans l'histoire. On peut se mettre contre un mur. Assis, bah voilà, ou plutôt même, oui, assis quelque part, mais pas forcément sur une chaise. Bah non, pas forcément. Ah bah non, pas sur une chaise parce qu'il suffit que la chaise est fragile. Ah oui, c'est ça, parce que toi, tu vas comme une bourrine. Ah ouais, attends, elle est chaude Adeline. Ouais, c'est ça, non mais t'as raison après, hein, t'as raison. Attends, on va prendre aussi Stéphanie qui est avec nous, salut Steph. Salut, ça va? Comment ça va? Bah super. Bon, bah bienvenue Steph. Alors merci. Toi t'as 28 ans, t'appelles de Chatou. Oui. Très bien, alors c'est quoi ta position sexuelle préférée toi? Pour moi Chatou. C'est un peu plus simple, c'est plus... Elle est missionnaire, alors Chatou. Moi je me couche, le mec arrive par-dessus, j'attends, et puis quand il a fini, c'est fini. Non. Voilà. Et j'envoie des textos à mes copines. Non, c'est pas bien ce qu'on fait. Je le sens pas. Ah, t'es rentré là? C'est ça, ouais. Non, c'est plus ce son genre la femme sur le bord du lit, avec les deux pieds par terre, et donc l'homme est en face à genoux. Attends, recommence. J'étais en train de lire un message, j'ai pas entendu. Vas-y, répète. Donc la femme est assise au bord du lit, enfin, ou allongée, mais les deux pieds par terre. Ouais. Et donc l'homme est en face à genoux. Et donc là, ça, voilà, il rentre bien ses droits. En face, derrière. Non, en fait, le mec, il a quatre pattes par terre et la meuf, elle est sur le bord du lit. Donc non, en fait, il est à genoux debout, enfin, à genoux devant attendez, elle. Attendez, je m'en sors plus. Bon, la meuf, elle est comment? Elle est assise sur le bord du lit. Voilà. Donc et comme si elle se lève, elle se lève, elle met les jambes vers le sol, elle est assise, quoi, elle est assise. Voilà. Ok. Après, le haut du corps, elle peut allonger le haut du corps. Ouais. Et l'homme, il est à genoux devant. Et bon, après, il faut être sur un lit qui est à bonne hauteur. Ah oui. C'est comme si elle était sur une table, en fait. Ouais, et ça marche aussi, c'est pareil, en fait. Ouais. Parce que là, c'est plus bas, donc il est à genoux. Voilà, mais là, on est plus à la bonne hauteur et au moins... Et le mec est à genoux. Mais oui, bah oui, c'est plus bas. Si elle est sur le lit. C'est parce que faut les lits Ikea, quoi. Tu vois, faut un lit qui est à genre à 40 cm du sol. Ah oui, non, parce que le mien, il a 50 cm de haut, donc. Sur un clic-clac, c'est bon. Mais toi, ça marche aussi, mais sauf que tu restes debout, quoi. Ah oui, non, mais en restant debout, alors d'accord, ok. Ouais. Et sur les lits superposés. Comme ça, on a accès à tout, c'est bien. Est-ce que tu connais le nom? Non. Ah merde. On n'est pas bien aidé quoi. Bon tant pis, c'est pas grave. Si quelqu'un connaît le nom de cette position, parce que du coup t'as pas été jusqu'au bout. Donc le mec il est à quatre pattes, il est à genoux. Il est à genoux, voilà, et comme ça il y a accès à tout, il y a accès au sein, à tout, et le corps et nous pareil. D'accord, mais il a pas accès à tout parce qu'il peut pas te faire. Il a pas accès au clito en même temps alors. S'il est pas penché et qu'il se recule, il a accès quand même. Ouais, il peut mettre. Tu peux y aller avec le pouce quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, exactement, avec le pouce. Ou alors il faut qu'il ait une bite de compétition aussi, hein. Il faut quand même un petit peu de longueur quoi. Non, mais c'est vrai, il faut un peu. Tu vois, il faut de la longueur. Ah non mais on est d'accord, voilà c'est ça. Parce que pour l'instant je pense que la meilleure position pour avoir accès à tout, en tout cas chez la fille, ça reste la cuillère. Ah oui, tu peux t'occuper des seins, tu peux t'occuper du clito, tu peux t'occuper de la pénétration, tu peux t'occuper de tout. Sinon il y a tous les deux sur le dos. Aussi, hein, là aussi t'as vraiment accès à tout. Ouais mais sans avoir une bite de compétition je parle. Non, mais même avec une normale, c'est bon. D'accord. Bon, alors très bien. Alors, et on va terminer avec Okrit qui est avec nous. Salut Okrit. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bah bien, bien. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi Okrit. Alors, c'est quoi ta position sexuelle préférée, toi? Donc moi, en fait, c'est la cuillère. Ah, eh ben voilà, c'est bien ça. Voilà. Seulement, faut le préciser, faut que le mec soit bien monté, quoi, parce que sinon, ça rentre pas dedans. Ouais, ça va pas assez loin, quoi. Surtout si la meuf a les fesses un peu rebondies, après ça rentre plus, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est ça, et t'as des handicapés qui savent pas se servir du manche, en fait, tu vois, donc... mais si tu veux guider, je te dis, en fait, le mec, il se met sur le dos, toi, tu t'assieds dos à lui, au départ, pour rentrer, et après, tu t'allonges. Ouais. Ah comme oui, ça, après, il peut te palper les seins. Et puis, tu te guides, hein. Ouais. Bah voilà. Et ouais, comme ça, il peut te palper les seins, caresser le clito en même temps. Ouais, mais du coup, enfin, après, t'en as qui savent pas trop comment se positionner, ils foutent leurs bras, on sait pas trop où, après... Ouais. Oh, mais c'est après, si tu sors avec des mauvais aussi... Oh, arrête de me faire manger. Ouais, non, mais non. Sauf que, tu vois, récemment, c'était sur des coups un peu... sur des soirées un peu arrosées, et en fait, le dernier en date, c'était un adepte d'Andromaque, et c'était le mec, mais pendant mes 20 minutes, j'avais Patrick de Bob l'éponge, quoi. C'était une étoile de mer, c'est pas mal, ça. C'était une horreur. Non mais après voilà, mais après tu peux aussi tomber sur des mecs qui sont mauvais, tu peux tomber sur des meufs qui sont mauvaises, évidemment. Ouais. Il y a Stéphanie qui est-ce que Toff et Polo nous ont donné leur position préférée, je ne comprends pas, non. Si moi levrette. Levrette et Toff. Oui, il y a la levrette que j'aime bien, il y a la position aussi, donc comme je disais, moi couché et elle couchée sur moi. C'est ça. Elle dort sur toi en fait. Non, ouais, mais moi, parce qu'en fait elle roupille, comme ça elle se rend pas compte. En fait c'est toutes les positions. Vous avez remarqué que les deux positions qu'il aime bien, c'est les deux seules où la meuf ne voit pas sa gueule. Elle s'en sert de matelas. C'est la position du matelas. Elle fait son affaire et elle a pu. C'est ça, c'est ça qui est bon, comme ça au moins, tu vois, elle est pas déçue, tu vois. Ah non, bah. Et elle peut même rêver à des mecs beaucoup plus balèzes que moi, des mecs beaucoup plus classes. Voilà, c'est ça. Et pendant moi je suis toujours pour mettre la fille bien, tu vois, qu'elle soit pas déçue à la fin. Et là, avec. Mais alors, tu la sens, hein, je suis bon, salope. C'est tout seul. Hein. Et là, elle fait ah oui, Brad Pitt, c'est bon, et là, c'est que j'ai réussi. Voilà, c'est ça, exactement. On est pas mal. Bon, et ah oui, ça y est, on vient de me renvoyer la photo. Bah oui, c'est. Non, ça doit pas être ça la position. Attendez, elle est improbable. C'est-à-dire que là, le mec. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que celle que j'ai reçue, c'est la meuf qui est sur le lit. Le mec, il a les pieds jusqu'au niveau des fesses sur le lit et le reste de son corps par terre, avec la tête par terre. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Non, il a les genoux par terre et la femme, elle a les fesses sur le lit. Et juste les pieds par terre. D'accord, c'est comme ok. Si elle était assise, normalement. Les JO, non? Oui, non, mais d'accord. Oui, il faut avoir fait les JO, exactement. Ouais. Mais bon. Non, au contraire, c'est très confortable, justement. Oui, bah, je veux bien croire. C'est un coton pour les genoux du monsieur, mais sinon, pour la femme, c'est très confortable. Ah, bah, j'imagine. Il faut que ça soit confortable, il faut que ça tape dans le fond. Mais quel glamour. C'est bien tapé. Et après, il y a des mecs qui vont nous dire, ouais, mais les filles parlent pas comme ça. Non, vous vous rendez pas compte. C'est pas vrai. Mais ouais. Si, non, vous savez pas de quoi non, vous parlez. C'est pour ça, je me résigne maintenant, tu vois, je vais passer aux femmes, ça va aller très bien comme ça, tu vois. Ah, toi, t'es déjà sorti avec Toff? Ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Mais en fait, il m'a fait peur, tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit non, ça va pas être possible et tout. Bah t'as raison, mais c'est normal, je comprends ça, tu sais. Je comprends. Bon, bah merci les filles d'être passées, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. De rien, bisous. Salut Trit, salut Steph, merci. Salut Adeline, salut, je vous embrasse. Ciao, bonne soirée. Salut les filles. Et puis on va terminer avec un dernier appel, Toff, du coup, avant de mais partir. Oui, allons-y. Allez, c'est parti, toujours à la recherche, bien entendu, de la position préférée sexuelle des filles. On y va, c'est parti. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des numéros d'ailleurs, hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, on fait le dernier appel maintenant, on aura le top tweetos également. Et puis le générique de fin, bien entendu, que le stagiaire chante. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître vos positions sexuelles préférées. Alors, va te faire enculer, connard. Tu me déranges pour les conneries par la sortie. Mais enfin, madame. Va te faire enculer. Enfin madame. Oui bah elle est partie là. Ah bon, oui, bah, elle est pas très gentille. Ah bah là non là, c'est sûr, mais on la rappelle alors hein, c'est parti. On y retourne. Elle va te faire enculer connard. Elle va te faire enculer gros pédé. Alors. Allô. Oui bonsoir. Oui. Oui non parce qu'en fait j'étais avec votre femme mais on a été coupé. Ouais, alors ? Bah, en fait, je voulais connaître sa position sexuelle préférée. Bah, ouais. Bah, oui. Et toi ? Bah, et quoi, moi ? Et toi, tu fais quoi ? Bah, moi, je vous appelle pour vous poser la question. Bah, ouais, qu'est-ce que ça passe, pour ce gros con ? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Bah, ouais. Branle-toi ! Ouais, voilà. Pourquoi t'es. T'as ça ? Branle-toi, enculé ! Ouais. Bon, non, qui sait pas, il sait pas le branler. Allez, va chier. Ma femme, monsieur. Ah, non. Non, non, non, non, elle est partie. On, bon, avait, on avait l'impression d'être sur la, dans la même famille que. Ferme ta gueule! Ouais. Voilà, on se ressemblait. Hein. Ouais, il se ressemblait un petit peu, c'est vrai, ouais. Il y a Félicia qui dit faut que ça tape dans le fond, j'adhère complètement. Stéphanie qui dit la position du matelas, je vais appeler ça comme ça maintenant. Il y a Fatih qui dit aussi ce soir des vrais pervers. Jouévin qui dit énorme la meuf, big up à l'équipe de Fun avec Charlet posé dans l'appart avec Fun que du bonheur. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça y est, t'as comment ça s'appelle la position ? C'est le vol des mouettes. Mais c'est sérieux, le vol des mouettes. N'importe quoi là. J'y parlais, c'est ce qu'il y a écrit. Le vol des mouettes. Bon, Denis qui dit je suis d'accord avec Polo, je trempe pas mon biscuit dans une tasse sale. Voilà, c'est mieux dit. Et Stéphanie qui dit est-ce que t'offres. Ah oui, ça j'avais déjà lu. Sandro avec ou sans maquillage, elle est magnifique, c'est Ada. Et le prince Nadia qui dit Polo, il peut passer la case préliminaire, sachez-le. Ah bah visiblement. Et Chérinette qui dit moi j'aime être sur mon mec et que ma tête soit à côté de la sienne, qu'il me tienne par les cheveux et ratatatata. Alors, très bien, parfait, impeccable. Bon, fais le top tutos maintenant, c'est le numéro 5 qui gagne. Allons-y, numéro 1, celui, ceux qui ont été les plus influents sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël ce soir, numéro 1. Félicia. Non. Mais ouais, Let's Be Freak s'est trouvé un vrai adversaire à sa taille. Enfin, une concurrente. Numéro 2. Let's Be Freaks. Numéro 3. Warren. Numéro 4. Magda. Je rappelle que si le numéro 5 a déjà gagné, on va venir voir le 6. Et il a déjà gagné. Ah, numéro 5. Donc, Cheapest Baby. Ah oui, qui a déjà gagné, donc du coup, qui gagne Cédric, il a déjà gagné. Morgane, elle a déjà gagné. Le Prince Nadia, elle a déjà gagné. On va se retrouver au 163ème. Alors, je pense que Sarah, elle a pas encore gagné. Mais je Ah, et ben voilà. Et sinon, on fera gagner la numéro 2. Le numéro 1, puisqu'elle a pas gagné, je pense encore. Si, si, elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné aussi. Ouais, ah, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Bon, bah, très bien. On va voir qui gagne du coup. On vous tiendra au jus. Y a pas de problème. On se fait le générique de fin maintenant. Ouais, on va partir. Et attention, le stagiaire qui doit faire un karaoké ce week-end est invité à venir prendre un micro. Ah oui, ouais. Allez, le stagiaire. Voilà, qu'il c'est prenne un cadeau le micro. Exceptionnel. Enfin, il peut rester là, hein, mais. Il y a micro devant lui, parce que l'autre il va se déplacer, là il va se déplacer dans tout le studio, t'es une star. Attention, le générique de fin, moment de gloire. Profitez-en. T'iras voir ton directeur d'école pour lui dire que regarde au moins tout ce que tu as entendu. Respect Monsieur M. Voilà. Alors t'es prêt ? Donc ouais, Polo ne chante pas ce soir, c'est exclusivement réservé aux stagiaires. Ah bah non, j'ai été interdit de chanter, je ne chante pas. Allez attention, le stagiaire t'es prêt ? Prêt, ouais. Très bien, c'est parti. Je ne chanterai pas très bien puisque j'ai pas le droit de chanter. Ferme ta gueule le maire, toi l'enculé. Enculé mauvais. C'est toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom qui a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule le maire, toi l'enculé. Mais toi quand tu encules ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Ah il connaît les paroles et tout. Oh, attention le bouffon là. Oh, bande d'abruti, hein. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Oh, écoute-moi, espèce de petit con. Allez vous faire enculer, gros pédé. Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce d'enculé. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh, tu vas fermer ta grande gueule. Sale con. Sale con. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Sale con. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer, toi ton long c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh ben voilà, merci Lilou, ouais, comme chaque soir. Bravo. Eh ben il est prêt pour le karaoké là. Bravo, bravo. Il va être au top ce week-end. Et on m'a promis la vidéo. Oui. Moi je veux la vidéo. Et on m'a promis la vidéo du karaoké que je suis impatient de voir. J'ai hâte que le week-end soit fini pour ça. Ah oui. Ah bah oui. Alors là, et c'est pas la peine de faire des doigts d'honneur, hein, ça marchera pas. Je veux la vidéo. Sinon tu sais très bien où t'iras. Hein. Au goulag. Ce qui t'attend. T'iras faire un stage en enfer. Oui, exactement. Voilà. Tu vois la Sibérie, et bah dis-toi que c'est plus soft. Exactement, c'est pire. Bon bah bon week-end tout le monde, on se retrouve lundi, dimanche pardon, à partir de 20h. On fera le 20h minuit comme chaque dimanche. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir d'avoir été là comme d'habitude. Sarah notamment, Cédric, il y avait Félicia bien entendu, qui était numéro 1 ce soir, il y avait Wispy, il y avait qui d'autre également, Nicolas, il y avait Troy, un nouveau qui vient d'arriver, Chérinette, Magda, GTR, Let's Be Freaks, comme d'habitude, le Prince Nadia, Josh971, il y avait Aïd. Dylan et enfin Quentin plutôt. Il y avait où est-ce qu'il est encore d'autres, Drake également qui était là, etc., etc. Merci beaucoup tout le monde. Rancard donc dès dimanche avec 500€ à gagner. Il y a des iPad mini qu'on vous offrira et des consoles Wii U qu'on aura l'occasion de vous offrir donc à partir de dimanche dès 20h. Please call again. Michael. No limit. Tous les soirs 23h 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est notre ami Jube dans la radio. Et attention, attention, parce que je vous rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez, à l'école on a les bulletins. Et donc là mardi on a un nouveau bulletin qui arrive. Ah oui. Au dernier bulletin, JB avec un de plus 166% d'audience. Ah, il était la star. Numéro 1 dans toute la France entre 2h et 6h du mat. Que va-t-il se passer? J'espère plus de 166 quand même. Ah oui, mais ça après. Que va-t-il se passer là, mardi, au prochain sondage ou au prochain bulletin de la radio? La France a été au rendez-vous. Oui, je sais pas, on verra bien. Ça, c'est... Elle a été au rendez-vous pour voter, mais de là à voter pour JB, ça c'est un autre problème. Donc on verra quoi. J'ai un cadeau pour toi, Michel. Dis-moi. Si c'est une bonne. J'ai pensé toute la nuit, donc. T'as offert quoi cette semaine? T'as offert 200€? Non. Si. Bah non, 800 parce que j'en ai fait 4 fois 100. 4 fois ouais, 200. Non, mais bon, par jour, c'était 200. Ouais. Bon, bah moi, je t'ai pas un cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est quoi? C'est quoi? T'es sérieux là? Donc il m'a filé deux feuilles à 4 qu'il a gaspillé en mettant SANS et sur une autre SANS. Oh, c'est nul! Mais t'es sérieux? 200. En fait, quand je me suis levé, j'ai pensé à cette vanne et je me suis dit, c'est un bon concept. Donc 200. Mais c'est de la merde! Mec, pendant un quart d'heure, j'étais mort de rire, je me suis dit, faut que je le fasse. Ah ouais, laissez-moi, je vais le recycler pendant la nuit. Hein. À qui? C'est visuel. Il va l'air ça. Pour Bruno. Faire... Oui, bon, non. Ah, non. Bruno, t'as offert un voyage au ski. Regarde, je t'offre deux boules de neige, deux boules de papier. Eh, tu peux le faire, hein, boules de papier. Parce que si je fais ça avec Bruno, il va me clasher. Ouais, bah il a raison. Hein. Et il aurait raison. Ouais, et nous, c'est parce qu'on est trop bons et trop cons. Ouais, hein, mais sinon, t'aurais clashé aussi. Hein. Exactement. Bon, allez, je vous laisse avec le plus mauvais animateur de l'année, de la nuit. Oh, JP dans la radio. T'es dur. Ah oui, bah attends, sans. Attention, j'appelle Jérôme. Si vous me clashez, j'appelle Jérôme. Mais t'inquiète pas, je vais l'appeler juste après pour lui demander qu'il y a un moment, faut faire le ménage. C'est ça, il y a un moment, faut faire le sale boulot quoi. Non mais voilà, s'il n'ose pas te virer, moi je fais le sale boulot, c'est pas un problème, il me le demande, je te vire en direct. Ah, je pensais que tu voulais te tenir jusqu'à 6h. Non, pas du tout, non, moi je te vire en direct, s'il n'ose pas, il n'y a pas de problème, moi je gère. J'avoue, j'aime bien la vanne à JB. Voilà, je sais. Oh là là, l'horreur. Bon allez, on se casse, on revient dimanche à partir de 20h. Bonne nuit, bon week-end tout le monde. Et puis loupez pas demain matin, dernière chance pour vous de repartir avec votre trip au ski. C'est en écoutant Bruno dans la radio à partir de 6h. Ça faisait longtemps. Allez. On se quitte avec les sifflements de Florida maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est JB jusqu'à 6h, bon courage.